Bonjour, samedi le 20, me semble, 20 novembre 2021. Hier, j'ai réécouté le dernier direct. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé, dit, qu'est-ce qu'on va faire quand les vieux vont être rendus à se pisser dessus, puis il n'y aura personne pour s'en occuper. Puis finalement, j'ai ramené ça à moi, puis ça n'arrêtait pas de... Je considère que j'ai mal répondu. Le problème, c'est qu'on l'a vu. Nous l'avons vu, ce qui va arriver par rapport à ça. Regardez, là, les orphelins à l'époque en Roumanie qu'on a laissé mourir, de faim, parce que le régime considérait qu'il s'agissait d'individus improductifs qui n'avaient pas d'avenir. Ben, les gens qui n'ont pas d'avenir, c'est entre autres aux yeux d'un régime des personnes âgées. Nous en allons vers une forme de socialiste. Donc, de socialisme. Donc, là, vous voyez, là, par rapport à Joe Biden, bonjour, Linda. Donc, Joe Biden, qui a passé les pouvoirs à Kamala Harris parce qu'il avait une colonoscopie. C'est qu'on nous sommes en train d'être habitués à... C'est elle qui va être le... Bonsoir. Donc, Kamala Harris, c'est elle qui va être... C'est elle, je veux dire. Prenez, regardez, là. Ici, nous avons qui... Marguerite Blais ne peut pas témoigner au niveau d'une enquête de coroner, mais elle peut continuer à être ministre de... C'est au niveau des aînés, c'est n'importe quoi. Bonjour, Méga. Donc, par rapport à tout ça, l'humanité n'a pas appris de ses erreurs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas capables de rentabiliser la mémoire pour en faire de la conscience, et puis nous en allons mondialement vers une forme de socialisme planétaire. Et ça ne peut pas faire autrement que d'amener à une catastrophe qui va nous faire intégrer dans la souffrance expérimentale le fait que ce n'est pas intelligent. Et il se cache derrière ça des forces de domination. Donc, tout ça, non, j'ai répondu pour moi quand on m'avait posé la question, qu'est-ce qu'on va faire quand les vieux, j'ai expliqué que je ne serai jamais un vieux. Mais par rapport à tout ça, ben, on en a déjà l'avant-goût de ce qui va arriver. Même les gens qui ont amené dans le public et qui ont imposé le terme de ressources humaines, on voit comment ces gens-là pensent. Donc, la valeur que nous pouvions accorder dans le passé à un être humain au niveau de sa dignité, même la valeur au niveau de ce qu'on pourrait appeler des valeurs, l'être humain, il va avoir maintenant une valeur quantifiable comme du blé ou du riz, et il va être vu au niveau de son potentiel de production pour... C'est des ressources humaines. C'est là où nous en allons vers un monde de plus en plus inhumain. Mais ça l'était déjà, mais... Dans l'épouvante de l'épouvante de l'épouvante, ben oui. Mais c'est pas une raison d'avoir peur, parce que c'est à cause justement de la crainte et de la peur que tout ça fonctionne, que nous en allons vers des régimes totalitaires, que même dans le passé, nous n'avons rien de comparable au niveau là, de les régimes staliniens. Puis ça n'est même pas comparable, là, ça risque d'être planétaire. Et nous avons eu la rencontre dernièrement entre Joe Biden, le président mexicain, et Trudeau, là, Justin. Et puis, au fond, il s'agit de la même. Les gens sont pas au courant encore, mais États-Unis, Canada, Mexique, c'est déjà la même. En tout cas, comment l'humanité peut-elle apprendre de ses erreurs étant pris dans une boucle qui ne peut pas induire qu'à des répétitions? Ben oui, mais il va falloir qu'il y ait une conscience intégrale, à un niveau même collectif, c'est-à-dire il va falloir intégrer l'expérience, l'expérimental par une conscience, en faire de la conscience, parce que là, à chaque génération, les gens, on repart à zéro, là. Ça n'a plus... À la retraite, on n'est plus rentable. Ben non. Puis c'est ça qui est observé. Comme, imaginez-vous donc, bonsoir Marie, j'ai déjà eu, on me demandait à un moment donné d'écrire une lettre à Mélanie Savoie, les héritières, là, les résidences Soleil au Québec, qui sont des résidences de personnes âgées. Et moi, je leur avais dit, j'ai dit, même si j'écris une lettre très logique, très intelligente, elle ne va pas retourner, ça ne changera rien là, sur sa façon de gérer sa business. Pourquoi? Parce que les résidences Soleil, c'est une business. Ils s'en foutent du monde, pas au sens qu'ils sont totalement inhumains, mais pour eux, c'est pas. Ils s'en foutent. J'allais dire, on s'en fout parce que collectivement, il n'y en a pas il n'y en a plus de valeur de donner à la dignité humaine. Pas plus eux autres, là, les descendants, les petits-enfants, les enfants des 10 Savoie, c'est dans les moins pires. Même malgré tout ce qu'on a dit, c'est pas ce qu'il y a de pire, là. Bonsoir, Stéphanie. Donc, non, ça m'a surlupiné un peu qu'on m'avait demandé qu'est-ce qu'on va faire. Ben, vous le voyez, ce qui va arriver. Puis regardez Marguerite Blais, Legault, il veut pas qu'elle témoigne. C'est clair, là. Moi, je le vois comme ça. Elle a ordre de ne pas témoigner. Parce que si elle n'est pas capable de témoigner, même par visioconférence devant la coroner, elle devrait être relevée de ses fonctions. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis, non, c'est de l'hypocrisie totale. Il n'y a plus le simple bon sens au niveau d'un raisonnement, c'est-à-dire les gens en général ne sont même plus capables de se servir du mental inférieur, c'est-à-dire de raisonner au niveau de leur intellect. Donc, une fois qu'on a court-circuité ça, ce qu'il s'agit, le jugement, le discernement, ils peuvent se permettre n'importe quoi. Une journée, on nous dit quelque chose, le lendemain, on nous dit totalement le contraire et les gens n'ont plus la capacité de voir si c'est logique ou pas. Donc, ils s'en permettent, puis ils s'en permettent, puis ils s'en permettent. C'est pas normal que Joe Biden soit obligé de passer pour une colonoscopie 2 heures, c'est parce qu'on nous habitue à cette dame-là, Kamala Harris, qui d'ailleurs étudie à Westmont, qui a été à l'époque, au niveau de ce qui est dit, méprisante avec les francophones. J'irais même prendre un gros mot, là. Elle a agi comme quelqu'un avec les francophones, là, le mot en R, là. OK? Il faut comprendre que ça marche avec l'inversion. Ces gens-là sont toujours ce qu'ils accusent en face. Donc, c'est toujours comme ça. Comme ici en France, on se rend compte que c'est du théâtre et de plus en plus mauvais. Oui, mais il est comme trop tard un peu, là. C'est plus le temps. C'est ça, même si tout le monde demain matin se rencontre, se rendre compte, c'est déjà. On fait quoi, là? Je veux dire, est-ce qu'il va avoir la colère suffisante? Même là, la colère va être récupérée et instrumentalisée par d'autres instances. Donc, bonjour, mystère guerrière. Eh bien, beaucoup de gens sont lucides, mais ils sont censurés s'ils parlent ou commentent. Ben oui, mais c'est parce que c'est juste du blabla aussi. C'est pas normal même que les députés ne reçoivent pas plus de courriers que ça, qu'ils ne soient pas plus paralysés que ça par le courrier qu'ils reçoivent. C'est pas. En fait, il serait. J'ai tellement écrit à ma députée que j'ai cessé de le faire, parce que je me suis dit, elle va penser que je la harcèle. Elle n'a même pas répondu une seule fois à aucune lettre. J'ai reçu des accusés de réception, c'est tout. Puis, c'est là où je ne suis pas censé être tout seul à écrire. On est censé être dans une démocratie représentative. Il n'est même pas normal que la poste ne finisse pas par être paralysée par le courrier, au point où nous en sommes. Mais non, quand bien même il y a de plus en plus de gens qui sont lucides, si ça reste comme les tests de psychologie clinique nous le démontrent, si ça reste toujours de 10 à 15 % à 20 % de la population, ça change rien. Donc, Macron parle de dissoudre l'Assemblée ici, alors qu'il lui reste que 3 à 4 mois à faire du théâtre. Ben, vous savez, là, pourquoi est-ce qu'en France, les gens parlent de Macron, pas d'Attali? Depuis quand est-ce qu'on parle du contremaître plutôt que du directeur de. Vous voyez, là, Macron, c'en est un. Il fait du théâtre, ben oui, mais c'est un acteur. C'est le metteur en scène. C'est le metteur en scène qu'il faut regarder. À un moment donné, lâchez-les, Macron, c'est ses patrons qu'il faut. C'est eux qui doivent avoir peur, c'est eux qui doivent trembler. Lui, c'est comme un paratonnerre, Macron. Et puis, tant que c'est lui qui est visé, tant que c'est lui qui est haï, ceux derrière sont tranquilles. Donc, vous savez, là, juste la zone euro, l'Union européenne, la France est embarquée là-dedans, puis même l'Allemagne, elle va être. C'est incroyable. Et de voir que c'est l'idée des Américains, là, l'Union européenne, c'est une idée américaine, c'est une forme de nazisme à l'américaine. Je vais faire attention à ce que je dis parce que je vais me faire sauter du auto. La majorité des gens sont sous hypnose. Je suis la seule dans tout mon entourage à ne pas être vacciné. Ben, comme la plupart des gens. Qui est le metteur en scène? Ben là, vous savez, il s'agit d'instances transnationales qui ont mis là Macron. Macron, il travaillait pour qui? Il a qui dans son entourage? C'est une question. On n'est pas dans. Je comprends même pas que. J'en reviens pas qu'au fond. Je ne suis pas à parler du supramental. C'est de la déduction, là. C'est juste de la déduction. Juste par déduction, vous pouvez savoir ça. Pas besoin d'être canalisé. Pas besoin d'avoir de perception extrasensorielle. Je sais bien, mais comme tu as repris un jour, ça marche encore pour les gens. Pour qui on écrit ne pas manger sur le shampoing. Ben, le pire, c'est que c'est pas suffisant même de savoir qu'il faut pas manger le shampoing. C'est pas suffisant. Il faudrait expliquer aux gens, ben là, c'est pas le bon shampoing, c'est du poison que vous lavez les cheveux avec du poison. Mais ça, c'est pas écrit sur la bouteille. C'est pour ça que je plains. Ceux qui, dans l'avenir, auront pas certaines ressources internes, n'auront pas établi un contact. D'où un certain empressement des fois à vouloir provoquer ça. Parce que y a beaucoup de gens qui vont se suicider là, dans le futur, parce que c'est un futur réellement inhumain, pensé par des espèces de darwinistes sociaux, d'eugénistes, pour qu'il y ait un tri. Puis qu'il reste seulement ceux qui ont les structures qu'eux veulent, c'est-à-dire qui vont être enclins à être capables d'obéir et à vivre selon une façon une ergonomie de l'énergie comme eux le veulent. C'est-à-dire des gens qui vont accepter n'importe quoi. Et puis, c'est clair, moi, à mes yeux, qu'il y a mis en place un système pour que les gens qui ne seront pas capables de se plier à cette nouvelle façon-là de voir et de vivre vont se suicider. Et je considère ça comme de l'hypocrisie, même de ne pas admettre ça. Dans le sens qu'il y a tellement eu, juste dans les 2 dernières années, c'est commencé depuis longtemps, tout ça. Puis il y a un tri au niveau des populations. Certains des scientifiques mettent en garde. Oui. Mais ça donne quoi? C'est comme des experts dans une cour. Vous avez la défense, puis vous avez l'accusation. Chacun a son expert, puis un dit le contraire de l'autre. Ça revient pas à celui qui est le plus expert ou le plus intelligent, mais celui qui est le meilleur orateur, qui est le meilleur acteur. Donc, quand j'ai entendu Claire, c'est vrai que j'ai un gros choc, ça fait 3 ans, mais c'est la confirmation de beaucoup de cette folie furieuse. Ah, en France, là, Madame Sévrac, moi, la guerre contre les peuples. Ben, Madame Sévrac, jusqu'à un certain point, c'est les aspects techniques qu'elle observait beaucoup, dont elle était au courant. Elle a commencé, je pense qu'elle avait traduit un livre, puis finalement elle a fini par faire le sien, là, puis à faire des conférences. Puis ensuite, il y a eu son cancer foudroyant, là, très rapide. Mais il n'y a pas juste les aspects techniques, c'est ça, là, parce que comment? Imaginez, là, une fois que vous savez là, que le terrain est miné, puis qu'il va falloir de groupes de force marcher dans un terrain toxique et miné, la question, c'est pas juste de savoir ça. Vous allez piler sur une mine quand même et sauter quand même, puisque étant donné qu'il n'y aura pas d'alternative possible. Donc, il y a autre chose que ce niveau-là. Il va falloir être plus qu'humain, là. Il va falloir être surhumain jusqu'à un certain point. Il va falloir avoir la capacité d'avoir un système qui tolère, qui est capable, puis qui reste intègre quand même, qui reste humain dans un monde inhumain. Donc, il y a le site de Dissidence TV qui résume bien les facettes de la supercherie. Pas besoin d'être supramental pour avoir accès à ces bases de vérité. Ça n'a pas rapport. La vérité, l'envers. Ça n'a pas rapport, là. La vérité, là, ça fait partie d'un mental polarisé. Moi, je peux même pas dire que je suis contre ce qui s'en vient. Ça ne veut pas dire que je suis pas en colère de ça ou que je l'approuve. Parce que vous soyez au courant avec vos sites là, de ci puis de ça, puis que d'informations, ça ne changera rien. Ça ne changera rien, ça ne changera rien. Ça ne changera rien. Et ça ne changera rien. Dans le sens que ça n'empêchera rien. C'est comme je venais de dire, là. Vous avez beau être au courant qu'il y a des mines dans le terrain, ça ne les enlève pas. Quand il y a une majorité de gens, et qu'il va toujours avoir une majorité de gens qui ne sont pas conscients de ça ne vous donne rien, vous, d'être juste conscient de ça. Puis là, je dis conscient au sens d'une connaissance, d'être au courant. Ça donne quoi? Ça va donner quoi? Ça va faire que vous allez avoir de la difficulté à tolérer le réel que vous percevez de par votre conscience psychologique. La conscience psychologique, c'est pas suffisant. Comment vous allez faire pour... C'est comme si je vous force à vivre d'une façon totalement inacceptable, juste le fait d'être conscient puis de savoir que c'est totalement inacceptable, ça permettra pas d'avoir la force de survivre nécessairement. C'est pour ça que je plains ceux qui n'auront pas autre chose que ça. C'est là où pas besoin d'être supramental, mais parfait d'abord. Vous avez juste à continuer avec vos histoires de dissidence. Parce que je regardais là ce qui a été appelé dans les dernières années la dissidence en France. Est-ce que ça a empêché la majorité de faire, de mettre, de marcher? Et de faire en sorte que c'est pire maintenant et que ce sera pire demain et que la situation va continuer de se détériorer et que ça va être pire et ça va être pire et ça va être pire tout le temps. Il va y avoir des petites phases d'accalmie, de repos. Il va y avoir des phases où ils vont enlever de la pression sur les structures psychologiques des masses pour leur laisser le temps de digérer, de s'adapter. Mais ça ne sera pas suffisant. Ce ne sera pas suffisant pour pas avoir les idées noires de comment vous dites ça en France, de vous foutre en l'air. Hein? Parce qu'il est là, le tri. C'est là qu'il se fait. Et c'est là qu'au niveau des mécanismes de préservation et de survie habituels, si vous voulez en même temps survivre puis rester intègre en tant qu'humain, au sens où on l'entend, ce ne sera pas suffisant. Je dis pas ça pour ça, excuse-moi, je posais juste le lien pour ceux que ça intéresse. Parce que c'est un peu comme s'informer sur le fait que vous allez avoir une cellule de tant de pieds carrés, que la couleur des murs sera telle couleur, que la dimension des barreaux sera de telle dimension. C'est devenu ça, la dissidence. C'est devenu de l'information. Qui sert juste à voir qu'il y a des chaînes. Mais ce n'est pas suffisant. Dans le sens que il n'y a pas moyen de nécessairement de casser les chaînes. Pourquoi? Parce qu'il y a une majorité qui est consentante. Et tant qu'il va y avoir une majorité qui est consentante, et tant qu'il n'y aura pas une colère collective, la colère individuelle, au fond, peut servir juste l'individu. Et. Elle peut servir juste à développer des capacités d'être capable de transcender le fait que les corps seront. Parce que c'est extrêmement subtil dans le sens que si on considère qu'il y a le mental, le vital, l'émotionnel, qu'il y a le corps, l'âme, l'esprit, depuis toujours, tout ça tout ça est assujetti totalement, là. C'est-à-dire, au niveau des corps, comme les instincts, les sens, ces choses-là, au niveau de l'âme, les forces de mémoire, les forces de au niveau de l'esprit, c'est encore plus loin. On ne peut rien changer. Je préfère rester optimiste. Bon, ben, bonne chance. C'est pas le d'être optimiste ou pessimiste, là. Ben là, c'est de la pensée magique, mademoiselle Stéphanie. Vous devriez aller sur le côté de André Moreau. Parce que lui, il dit « Ce monde est un jardin magique où je récolte les fruits de mes pensées. » Ah, eh bien, on verra ce que ça donne. J'ai conscience que ça reste dans la polarité et que ce n'est pas suffisant, sinon je dis « Bon, c'est très, très subtil, oui. » Ben oui. Bonjour, Carole. Madame Stéphanie, on ne peut rien changer, point d'interrogation, je préfère rester optimiste. C'est là que vous êtes dans une polarité psychologique et que si jamais les événements font en sorte que ça devient très violent, là, il va y avoir un effondrement. Il risque d'y avoir un effondrement au niveau psychologique, comme des maniaco-dépressifs. C'est-à-dire, là, il y a une phase de ah, je suis optimiste, mais à un moment donné, les événements vont forcer à vivre l'autre polarité. Et c'est là le danger, c'est là que ça risque de casser. Parce que si vous êtes là, ah, moi, je reste optimiste. Il y en a qui sont restés optimistes jusqu'à ce qu'on les conduise à la fosse. C'est correct. Pourquoi pas? Pourquoi on s'incarne ici? Ben, ça a déjà été tout dit. Ça a déjà été tout dit, justement parce que c'est pas évolué ici. Puis que nous sommes encore dans une mécanique évolutive de l'âme, c'est-à-dire d'accumuler de l'expérience au niveau de la mémoire pour que, justement, ça soit qu'il y ait une évolution au niveau de qu'il n'y ait pas une certaine répétition. C'est pour ça aussi, c'est une question d'intégrer de la conscience. Pour qu'un jour il y ait de la conscience intégrale sur Terre. Et étant donné que l'être humain ne peut pas faire autrement que d'évoluer parce qu'il est forcé, puis qu'on est encore dans une mécanique d'évolution animique, ben, on s'incarne ici. Pourquoi? Parce que ça veut justement, il y a quelque chose au-delà de ça qui veut qu'un jour, et ça ne soit pas comme ça. Donc, nous sommes quelque part encore les martyrs de la conscience. Ça devient enrageant. Pour toi, c'est-tu le choix la prochaine fois que tu te réincarnes ou pas? C'est pas une affaire de choix psychologique. C'est pas une question de libre arbitre. Je peux même pas me poser cette question-là. Je peux pas, en tant qu'écho, décider ça, là. Donc, il y en a qui récitent toujours « Je suis optimiste pour guérir d'un cancer », puis ils meurent. Ben oui. Et là, c'est parce qu'il y a une différence entre être optimiste psychologiquement pour des raisons. Vous voyez, là, parce que ça revient à faire des rituels de bénédiction d'une façon mécanique comme des mantras. C'est pas comme ça que. Admettons que je fusionne avec mon esprit dans cette vie. Est-ce que je me réincarne? Est-ce que je me réincarne quand même? Dans le fond, c'est quand on arrête de revenir sur le plan terrestre comme tel. Alors, le plan terrestre, c'est quoi? Vous ne l'aimez pas? La fusion, ça peut juste se passer dans le plan matériel. Il n'y a pas juste la fusion avec les forces de l'esprit. C'est le début. Puis tout se passe dans la matière. Donc, les martyrs de la conscience. Ben oui. Ben avant, il y avait les martyrs de la croyance. Là, on va entrer de plus en plus dans des martyrs de la conscience. Parce que déjà, ça fait longtemps que. Prenez. C'est juste que c'est un peu moins. On est un peu moins con qu'avant. Peut-être qu'aujourd'hui, Giordano Bruno donnerait raison pour ne pas aller se faire brûler, c'est-à-dire qu'il pilerait par-dessus son orgueil intellectuel pour survivre. Mais quand on meurt pour des questions de principe comme ça, parce qu'on n'a pas la capacité de laisser les biberons à des bébés qui ont contrôle sur notre vie ou notre mort, ben c'est là qu'on est possiblement obligé de revenir. Donc, est-ce que si Giordano Bruno était intelligent, mais est-ce qu'il était conscient? Sinon, il ne serait pas mort brûlé. Il aurait fini par donner raison. Ah oui, vous avez raison. Je me rétracte, puis il a fini par continuer ses travaux. Il a de se faire laisser tranquille pour continuer ses choses, puis d'envoyer ça sous le manteau, puis de continuer à répandre sa conscience à lui. Mais à un moment donné, on peut pas. Pourquoi? C'est attirant comme un aimant. Parce que les gens sont attirés par de l'énergie. C'est une question magnétique. Les gens sont encore dans l'âme. Puis c'est un phénomène magnétique. Ils sont mesmérisés. Ça dépend des gens, là. C'est pas le cas de tout le monde. Mais pourquoi? C'est pour ça. Donc, c'est une question de. Mais même si je pouvais m'en passer, c'est pas pour rien des fois que je me fais plus antipathique que je le suis, pour avoir la paix un peu. Puis même les gens qui viennent, qui m'achalent trop, je finis par être entre guillemets, un peu méchant, pour avoir la paix un peu. J'ai un chat là, errant là, que je me suis mis à nourrir. J'ai fait l'erreur de lui parler quand j'étais sur la rue. Là, il est tout le temps ici, puis il veut tout le temps que je m'en occupe. Puis là, je le sac dehors, je le prends, là, puis j'ouvre la porte, puis je le fous dehors. Je dis, va-t'en, va-t'en chez vous. Mais probablement qu'il n'a pas de chez lui. Mais c'est certain que c'est parce que ce serait pareil si je me mettais à nourrir les oiseaux, puis les voisins viendraient me faire des colères parce que leurs voitures sont pleines de fientes. Donc, j'essaie de pas. Mais non, c'est parce que j'ai certains aspects qui sont mesmérisants. Puis d'ailleurs, je considère ça comme mauvais. C'est des choses que j'aime pas de moi. Puis j'ai de la difficulté avec ça. Donc, mais même là, il y en a qui sont au contraire, là, qui me trouvent, qui me détestent. Il y a des gens qui me détestent avec passion, mais c'est polarisé, ces choses-là. C'est polarisé. Il y a autant de gens qui me détestent qu'il y en a qui. Il y en a même possiblement qui seraient capables de me faire beaucoup de mal. Donc, c'est, vous savez, c'est un peu au niveau là, du magnétique, il y a toujours deux pôles, donc il y a toujours c'est une épée à deux tranchants. Donc, il n'y a pas de Québécois, il n'y a pas de. Il me semble que j'ai l'air d'avoir beaucoup de. Rapport avec ton dernier direct, te souviens-tu quelles sont les vidéos de BDM fortes en vibration qui peuvent aider à forcer le contact avec l'esprit? Pour ça spécifiquement, là maintenant, je ne saurais pas. Mais celle avec Daniel Ménard, moi je les trouve particulièrement. Je me suis remis à les écouter dernièrement. Puis. Il y a, par rapport à être plus terre à terre, puis il y a aussi à comprendre certaines choses, puis sortir d'une certaine illusion. Un des meilleurs, c'est dans la communication, là, celle qui fait qu'il parle tout seul, là, Bernard est à son bureau, puis il parle tout seul. Celle, la vie est sous votre contrôle. La vie est sous votre contrôle. C'est un des meilleurs enregistrements, à mes yeux. Là-dessus, moi, en tout cas, qui m'a le plus. Oh mes gars, je vous aime bien. Bon, ben, tant mieux, je veux dire, dans le sens de bien, c'est censé être ajusté. Au sens de bien, c'est censé être de. Bon. Donc, pas d'excès non plus. Benoît Letalec, salut. L'épuration du mental est-il un travail de la lumière sur l'être ou un travail de l'être travaillant sur la mécanisation d'éliminer la réflexion? Je dirais que c'est les deux. C'est un peu comme certaines forces vont se rapprocher si vous manifestez une volonté. C'est un peu comme quand vous vous rapprochez d'un miroir puis que le reflet se rapproche aussi. Au niveau là, de la lumière de l'être, au niveau de l'épuration du mental, comme par exemple la dépolarisation du mental, souvent ça va être au niveau d'un écœurement, c'est-à-dire si vous êtes tanné là, de subir. C'est déjà, ça va passer par des choses qui sont habituellement perçues comme négatives au début. Donc, ah bon, Carole, c'était québécoise. Peux-tu nous expliquer ce qu'est la mémorielle? Ben, ça le dit, c'est la mémoire. C'est de la mémoire inconsciente. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez, si des gens se sont moqués de vous, des petits camarades à l'école, puis qu'aujourd'hui, vous êtes très susceptible au niveau de certaines taquineries à l'âge adulte. Ça, c'est de la mémoire inconsciente. C'en est du mémoriel, puis c'est lié à votre âme. Donc, c'est ça, le mémoriel. Le mémoriel, c'est de la mémoire inconsciente, c'est-à-dire des structures au niveau de l'âme qui n'ont pas été intégrées par la conscience et que les gens subissent parce qu'ils ne le voient pas. Donc, le mémoriel, c'est ça. Dans le sens que tout ce qui est lié à des mécaniques de répétition, ça cherche toujours à se réactualiser et ces structures-là détournent de l'énergie, donc de la conscience potentielle aussi. C'est ça le mémoriel, entre autres. Parce que ça englobe beaucoup de choses. Et là, le problème avec la mémoire animique collective de l'humanité, c'est que ça s'est enregistré au niveau d'une inconscience de la mécanique. C'est comme un cinéaste qui filmerait et montrait un film sans être conscient qu'il filme et qu'il monte un film. Ça ferait pas un bien bon film très cohérent. Puis on en est encore là, semble-t-il. Bonjour, Annette Turbanski. Bon, vous êtes de retour. Vous savez, j'ai mis en ligne une adresse pour m'écrire. Je me souviens, il y a 4-5 ans, vous vouliez m'écrire en privé. Donc, je ne suis pas allé dernièrement voir mes courriels, mais j'attends toujours que vous m'écriviez, vous vouliez m'écrire. Puis c'est par rapport à vous que ça m'a trotté dans la tête longtemps qu'il fallait que j'aie une adresse courriel pour que les gens m'écrivent. Donc, Madame Urbanski, si jamais là, vous en avez à un moment donné la vibration, vous m'écrirez. Parce que, entre autres, là, comme là, je pensais que vous étiez disparu. Je me disais, voyons, Madame Urbanski, elle est où? J'ai plus de nouvelles, je la vois plus dans le chat. Ou bien, ça donnait comme ça. Mais c'est vrai que le samedi, bon, c'est quoi? C'est quoi Lucifer? Lucifer, c'est un mécanisme qui est au-delà des structures d'alarme, qui fait partie de la récupération de l'énergie au niveau d'un potentiel d'intégration chez l'être humain. Donc, c'est très vaste, là, ce serait long, là. C'est très vaste, Lucifer. C'est plus long parler de Lucifer que de parler des anges. Ou... de toute façon, ça fait partie de... quelque part, ça fait partie des forces plus élevées que l'ego humain au niveau psychologique. C'est-à-dire que c'est des formes structurelles en termes de détournement de l'intelligence de l'homme, puis c'est pas intégré par la conscience psychologique parce que ça n'en fait pas partie. Donc, au niveau d'un porteur de lumière, par exemple, il y a là les mécaniques inconscientes qui ont aidé à former l'intellect. La lumière qui se réfléchit. Un porteur de lumière, il n'est pas la source de la lumière. Il ne produit pas la lumière, il la porte. Et là, on parle aussi de formes mémorielles non humaines au niveau expérimental. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste les mécaniques que l'humain subit là-dedans. Il y a des choses qui sont au-delà. Donc, c'est très, très vaste. C'est très, très vaste. Quel est ce film de George Lucas qui est passé sous silence et qui est un chef-d'œuvre? C'est THX. C'est suivi d'un numéro, là, je ne me souviens plus. Parce que lui, THX, il a un nom alphanumérique parce que c'est une société où il y a pas de. Où les gens sont comme c'est des ressources humaines, les gens sont numérotés. Donc, si vous trouvez ça, THX, c'est un très bon film, très en avance au niveau de certains concepts. Qui sont les seuls, selon toi? Vous voulez dire des seuils ou des seuls? Parce que des seuils, il y a différents types de seuils. Il y a les seuils, vous savez, vu qu'il y a différents paliers. Les enfants, du coup, c'est de la connerie astrale, d'après toi? Ben oui. Ben, ça dépend à certains aspects, non, mais... Prenez ce que Daniel Kemp a pris les enfants, appelé les enfants Teflon. Là, on est plus dans le quadriel à mes yeux. Mais les enfants, du coup, on est quasiment dans une forme de messianisme au niveau d'un avènement collectif d'une race. Puis on est même au niveau de certaines vieilles idées qui reviennent. Donc, les enfants, du coup, c'est possiblement ce qu'on pourrait appeler les enfants Teflon. Mais là, lui, il va falloir qu'il ne peut pas se développer tout seul. Il va falloir qu'il soit encadré, entre guillemets, parce que ça peut être dangereux s'il y a des nouvelles facultés. Comment naviguer la juste ligne entre défendre sa dignité et se soumettre aux sous-traitants? avilissant ainsi leur agenda. Se battre et se faire taper ou se cacher et payer plus tard. C'est là au niveau d'une créativité que ça dépend. C'est du cas par cas, ça dépend de la situation. Puis c'est au niveau de voir réellement ce qui se passe. Donc, ça devient difficile. En faisant une voyance, est-ce que la prédiction peut changer par choix? Ah ben là, je sais pas. Habituellement, quand la personne a une possibilité de changer réellement quelque chose, elle va être censurée dans sa voyance. Si ça fait partie des programmations très, très... réincarnation théorie qui vient des Indes, donc je n'avais pas repris par le nom. Ben oui. Mais au niveau de la réincarnation, il y a certains principes qui sont réels. Là. Juste l'ADN transmis d'une génération à l'autre est une forme de réincarnation. Ça fait partie de certaines mécaniques. Par exemple, un conflit que vos parents ont, certains défauts que vos parents ont qui peuvent vous transmettre inconsciemment par mimétisme et que vous allez, parce que ça n'a pas été intégré par la conscience et que vous allez répéter inconsciemment, comme les batteurs de femmes, par exemple. C'est quelque part, c'est la réincarnation. Il y a un programme qui revient. Mais là, si on parle au niveau du nord, l'âme qui se réincarne, au niveau là, ça a été extrêmement astralisé. Puis même le New Age, puis bon. Mais il y a des phénomènes là-dedans qu'on ne peut pas ne pas tenir compte. Au niveau de l'Église catholique, n'en déplaise à plusieurs livres le plus fidèlement possible le message d'amour de Jésus selon les évangiles. Ah ouais, ben moi depuis Fatigant 2, non. Je considère qu'au contraire, ça a été infiltré puis c'est rendu. Pourquoi est-ce que l'Église a brûlé tant de gens? Pourquoi est-ce que l'Église... Vous savez, il y avait trop de politique, il y a trop d'hommerie là-dedans. Le plus fidèlement possible, le message, c'est interdit de lire la Bible pendant des siècles. Les gens n'avaient pas le droit de lire. Ça prenait l'intermédiaire d'un prêtre. Puis lui, ce qu'il enseignait, c'était des doctrines qui étaient liées au concile puis au père de l'Église, qui n'avaient rien à voir avec l'écrit. L'Église, tu n'adoreras pas d'images sculptées. Les églises sont pleines de statues. Faites ceci en mémoire de moi. Est-ce que ça avait rapport avec un rituel magique de transsubstantiation? Le rituel collectif de... C'est là. Oui, ils sont bien intentionnés là-dessus. Je suis d'accord avec vous. Mais ce n'est pas suffisant. Et l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc, en fait, répondre à mes interrogations au fur et à mesure de tes vidéos. Par correction, je t'enverrai une bafouille d'ici peu. Bon, ben merci beaucoup. Oui, THX1138, c'est bien ça. Bonjour, Léo. Je suis au Costa Rica et j'ai essayé le jackfruit. L'odeur a répugné mes fils à ma blonde. Le goût est particulier. Je vais réessayer plus tard. Ben oui, c'est du nouveau, hein? Donc, que fait-on sur le plan de la mort? Ça dépend ce qu'on entend parfois. Ça dépend ce qu'on entend parfois. Parce que fait-on sur le plan de la mort? Ben, entre autres, il y a une instrumentalisation de la mémoire expérimentale, puis du contact que ces mémoires-là peuvent avoir avec les vivants, entre autres. Le plan de la mort essaie d'évoluer par procuration. Donc, que fait-on? Travaille pour ce plan-là. C'est ça que les gens font, ça. Les gens, entre guillemets. François Payotte, en parlant avec BDM des seuls, il faisait allusion avec un double ou esprit. Je ne m'en souviens plus. Il pouvait y avoir qui était peu évolué, archange très évolué. Ah, vu que c'est un anagramme, moi, je vous avoue, je n'ai pas tout écouté de François Payotte, mais oui, il y a des... Il y a toutes sortes d'entités, hein. Dans le sens, il y a de l'intelligence, les plans sont habités, puis il y a différents types d'intelligence. Puis, la plupart quand il y a un certain niveau d'intelligence, le plus fort émette. Ils sont capables d'émettre et d'être réceptifs aussi, donc il est possible que les gens soient sensibles d'entrer en syntonie, puis d'avoir un échange. Donc, l'allusion à un double ou esprit, je m'en souviens plus, parce que ça dépend esprit au sens, quel sens. Puis tu refuses de faire un live alors que tu as la vibration de le faire, qu'est-ce qui se passera? Ben, je le ferai pas, c'est tout, puis je vais être de mauvaise humeur, puis je vais prendre cette énergie-là et l'envoyer ailleurs. ça reste moi qui décide quand même. Je peux décider ou pas de me laisser aller à une vibration ou pas. Donc, c'est le seul libre arbitre que j'ai. Le Vatican, à tout ce qui a rapport avec le Concile Vatican, est infiltré par. Ben, moi, je suis d'accord pour dire que c'est infiltré, mais j'ai pas besoin de donner de nom à ça. Mais moi, là, fatigué en deux, puis. Ah, il y a un minou que j'entends qui miaule à ma porte. Lorsque je vais arrêter de fumer, puis penser que la pensée de fumer n'est pas mienne. Ça dépend, la pensée, jamais soit, c'est-à-dire que ben, juste l'esprit, c'est pas de l'ego, mais ça vient de vous pareil. Faut arrêter de. Ah, le double. Moi, ben, le double. C'est ça, vous parlez les seuls. Faut arrêter de toujours la même cassette à propos de l'Église catholique. Ben oui, ben bon, on n'en parlera plus. Eux autres, ils radotent, ils ont voulu changer de cassette, puis regarder ce que ça donne. Hein? Pourtant, c'était pas compliqué. C'était simple, simple, simple. Puis ils ont tout compliqué. Donc, bon, s'arrange avec. Moi, c'est pas mon affaire, eux autres, là. M'en fous, moi, de l'Église. Dans le sens que le Christ, je fais une grande différence entre le Christ et l'Église catholique. Je fais une grande différence entre le christianisme et l'Église catholique. Dernièrement, là, le pape il a déclaré quoi encore que c'était dangereux, les gens qui pensaient, qui voulaient par eux-mêmes, au niveau personnel interne, avoir un rapport comme ça avec le Christ sans l'intermédiaire de l'Église ou d'une autre, parce qu'ils sont dans l'œcuménisme, bon. Moi, je n'ai pas à radoter sur l'Église catholique. Là. Je ne vais pas radoter sur du radotage, je m'en fous d'eux autres. Dans le sens que depuis qu'ils se mêlent de leurs affaires, on va se mêler des notes. Mais moi, comme la mère de mon père, elle était en avance, elle a sacré le prêtre dehors, c'était dans les années 60. Puis même, il n'était pas capable d'y répondre, elle était très brillante. Puis il avait beau avoir fait le séminaire, en avant d'elle, c'était un con. C'est pas suffisant de doctrine. Ça prend de la créativité, là. C'est ça la lumière de l'esprit. Ça se manifeste, ces mouvements. Puis, pourquoi le New Age nous tape autant sur les nerfs, les forces en arrière, ça croit, pour vrai? Ben, parce que c'est comme de la drogue. Vous regarderez quelqu'un qui est en état d'alcooliser la réaction des animaux comme les chats par rapport à cette personne-là. Donc, c'est normal quand vous avez affaire à quelqu'un d'alcoolisé par le New Age de que ça vous tape sur les nerfs. Est-ce que le pape, c'est qu'il sert? Ben, au niveau, à son niveau à lui, là, oui, mais au niveau de l'invisible, je sais pas. Mais de la corruption, c'est de la corruption. On sait pourquoi on agit comme on agit au niveau de notre ego, puis de notre psychologie. C'est là où ça devient subtil, c'est plus haut derrière, plus subtil, qu'est-ce qui se passe. Donc, j'ai perdu la connexion, pas de hasard. Wow. C'est quoi la conscience? La conscience, c'est la capacité d'intégrer. Ah, c'est le savoir. Dans le sens que une conscience, c'est au-delà de la mémoire. C'est automatique. Dans le sens que c'est, vous savez, ce qu'on appelait anciennement la science infuse, c'est ça, de la conscience. Dans le sens que c'est au-delà de l'intellect. C'est comme, parfois, par instinct, vous allez savoir qu'une personne est comme l'autre qui dit, pourquoi l'astral, pas l'astral, mais le New Age me tape sur les nerfs. Quelque part, ça n'a pas besoin d'être intellectualisé. À mes yeux, c'est ça de la conscience. La conscience, c'est une vue claire qui permet une intégration et un mouvement rapide. Même frapper une balle de tennis, c'est de la conscience quelque part. Ça revient à de la. Donc, de la conscience, en tout cas, c'est pas de l'intellect. Même si ça peut être intellectualisé, c'est pas de la mémoire. C'est en temps réel, immédiat, standard du temps et de l'espace quelque part. Donc, ça va toujours être extrêmement automatique dans le présent. Donc, une personne qui reçoit la lumière, une électrification au niveau des neurones se retrouve dans une voie de non-retour, dans une direction de fusion avec le double. Ben, possiblement, mais l'affaire, c'est qu'une fois qu'il y a des électrifications au niveau des centres très élevés, comme au niveau de la tête, il va avoir il va avoir une je cherche le mot, puis on ne me le laisse pas. Une configuration neuronale différente qui va influer sur la façon dont les connexions à venir vont se faire. La conscience, c'est de la présence. Oui, ben ça engendre la présence. C'est la seule façon que une conscience peut se manifester. C'est en étant présent par rapport à ce dont elle est consciente, dans le sens que c'est comme ça que l'astral fonctionne, tu parles de l'inconscience, c'est-à-dire les gens ne savent pas qu'ils sont en rapport avec ça. Donc, ça, c'est de l'inconscience. Il n'y a pas un savoir instantané. Donc, pourquoi s'incarner ici? Ah, ben, j'ai répondu tantôt. À cause de la mécanique lente d'évolution animique, c'est un peu comme se sacrifier pour une bonne cause, puis là, je dis ça au sens polarisé, psychologique. Mais pourquoi? Parce que l'énergie va selon son appointement, puis il y en a qui ont différents jobs à faire. C'est pas tout le monde qui est ici pour apprendre. Dans le sens que il y a apprendre dans le sens d'intégrer, puis il y a apprendre dans le sens de générer de l'expérimental qui va être enregistré sur d'autres plans, puis qui sert dans le subtil. On est là pour les autres plans, parce qu'eux autres n'ont pas la capacité d'être multidimensionnels comme dans l'incarnation. On ne peut pas fusionner ailleurs. C'est le seul plan, la matière de l'incarnation, où on peut créer de l'expérimental. J'ai fini ici. Ben oui. C'est un stage. C'est des stages. Ça fait partie des lois de la vie des mondes en évolution. Donc, l'esprit va coloniser la matière, mais il ne peut pas le faire en tant qu'esprit, donc il y a l'âme. Puis il va avoir le corps. Puis l'être humain, au niveau de, vu qu'ici, dans une linéarité espace-temps, le système nerveux se construit selon les réactivités, puis les stimuli. Ben, l'être humain, pour générer de la conscience puis de l'intégration de force, il va être assujetti au début par les forces de la matière, entre autres. Puisque tout est électromagnétique ou magnéto-électrique, si je me tranche une petite pile, en plus cela peut-il faire une différence aux connexions neuronales? Si je me branche une petite pile, non. Oh, ça n'a rien à voir, hein. Votre corps est. Ça paraît pas. Parce que c'est très diffus. Puis qu'il y a quelque chose des transistors dans le corps. Ce qu'on pourrait appeler des plexus, puis ces choses-là. Mais vous avez beaucoup de plus d'électricité en vous qu'une petite pile. C'est comme quelque chose de si petit peut pas influer sur une structure beaucoup plus complexe, là. Puis c'est pas en allant vous mettre les doigts dans la boîte électrique non plus que vous allez. Ça, c'est autre chose. Vous allez. En tout cas, là. Tu sais, c'est. Mais il y a eu des gens électriques. Il y a eu des gens magnétiques qui avaient des capacités. Ah ben là, je ne sais pas, monsieur Chave. Monsieur Chavez, Frank Chavez. Eh ben, vous, je le suis là, monsieur. Vous savez, possiblement que c'est polarisé et qu'il y aurait possibilité de me détester autant. Qui nous dit que l'enseignement supramental qui place l'homme au centre de tout pour en faire son propre Dieu ne serait pas un poison vif pour l'esprit? Parce que c'est pas du luciférisme, le supramental, puis que c'est complètement faux que le supramental place l'homme au centre de tout pour en faire son propre Dieu. Ça n'a rien à voir. Parce qu'au niveau des formes, il y a un petit problème d'interprétation au niveau du psychologique. Parce que l'homme en tant qu'ego n'est rien. Dans le sens que c'est la multidimensionnalité, puis la multidimensionnelle met un centre là-dedans. Il y a une différence entre un terminal et un mettre au centre de tout. Il y a une interprétation psychologique liée à des vieilles mémoires, à ce que je vois là-dedans, là. Parce que vous faites du supramental une possible hérésie luciférienne en me présentant ça. comme ça. C'est quoi la source, ce qu'on appelle anciennement Dieu? C'est ça le centre de tout. Pas l'homme. OK? Donc, c'est ça, un soleil au-delà de notre soleil, en dehors du temps et de l'espace, qui est source de tout. Tellement intelligent qu'il peut pas... que c'est même pas de l'intelligence comme on le conçoit. Donc, la créature ne sera jamais aussi grande que son créateur. Ben, c'est ça, le terminal, c'est pas la source. Mais là, l'affaire de créature, c'est comme je disais plus haut, là, je vois un retour au niveau de la mémoire d'interprétation psychologique qui sont portés à faire du supramental, une hérésie luciférienne au sens d'une projection à travers une ancienne doctrine. Donc, c'est pas un humanisme, là, le supramental. Nous sommes contrôlés ou un libre arbitre? Ben, nous sommes contrôlés pour que nous sommes assujettis au niveau d'un processus de développer un libre arbitre réel. C'est-à-dire, au niveau de moi, comme je l'entends, de devenir créatif. Ego égale mémoire, pas nécessairement. Pas nécessairement. Âme, âme égale mémoire. Ego égale lentille à travers, qui peut être polluée par de la mémoire. Puis même l'âme peut être polluée elle aussi, parce que l'âme est jusqu'à un certain point une densification de l'état, un peu comme un ruban magnétique. Plusieurs individus, dont moi, ressentent des vibrations dans leur corps physique. Qu'est-ce que cela peut être? Ben oui, mais ça l'est là, les plans subtils de... Des fois, je me réveille le matin puis tout mon corps est tremble. C'est parce que je viens d'arriver. Mais c'est un terminal, hein, le corps, donc... Mais c'est lié à des phénomènes psychomagnétiques, entre autres, puis aussi au niveau nerveux, parce que c'est un terminal. Comment se présente le phénomène de voir dans l'invisible si on prend en considération que c'est l'individu à la base le percevait comme... Attendez une minute, là. Comment se présente le phénomène de voir dans l'invisible si on prend en considération que cet individu à la base le percevait comme tout être involutif? L'invisible devient visible à mesure qu'il y a une intégration. Donc, voir dans le visible, dans l'invisible, c'est pas nécessairement un phénomène visuel au sens où on l'entend. Juste le fait de savoir quelque chose, puis de pas répéter certaines erreurs subtiles au niveau psychologique, c'est déjà une partie d'intégration d'une mécanique. Ça revient à voir dans l'invisible. Un peu comme l'aveugle peut voir dans l'invisible, ne serait-ce que par l'intermédiaire de sa capacité tactile puis de son ouïe. Donc, c'est développer quelque chose. C'est ça, voir dans l'invisible. C'est une perception extra-visuelle, au fond, puis une capacité de savoir par rapport à... C'est comme un aveugle connaît parfaitement sa maison, même s'il ne la voit pas. Donc, mémoire sans émotion, c'est là où c'est subtil aussi. Parce que il y a des forces animaliennes qui sont enregistrées dans l'homme. Alors, je ne sais pas quoi vous, par rapport à quoi. Est-ce que je vais comme un ato? Que veut dire l'ego au niveau du supramental? L'ego, c'est une lentille qui sert à capter l'expérimental, à l'enregistrer et à l'envoyer dans l'âme. C'est aussi l'ego qui va être réceptacle d'autres choses au niveau d'un alignement. C'est par là que passe le rayon. Puis c'est là qu'il va avoir une intégration réelle ou pas. Puis qu'il va avoir aussi, par rapport à l'ego, il y a un retour. Hein. C'est un peu comme si le plan matériel, c'est un peu une base, puis un rebond. Puis c'est par l'ego que c'est très subtil, là, parce que l'ego a été énormément dénigré, alors que c'est un des véhicules les plus perfectionnés, les plus subtils. Le problème, c'est que la capacité de l'ego à se voir lui-même engendrer l'intellect. Et c'est là qu'il y a une subjectivité qui s'est construite à travers la mémoire dans l'âme. Et puis, donc, l'ego au niveau supramental, c'est une lentille. Involutivement polluée. OK, il y a plein de gens qui sont pas dans ce sens-là. Nous sommes dans un développement durable de la nouvelle évolution dans le supramental. Et cela est pas New Age. Ben moi, je trouve pas ça New Age. Le New Age, je le reconnais tout de suite parce que le New Age, c'est très, il y a jamais de nouveau. C'est toujours les vieilles, les mêmes choses qui reviennent. Puis le New Age est dans l'âme, il va être bloqué à l'âme. Donc, jusqu'à un certain point, là, ceux qui sont catholiques, là, qui sont capables de populariser ce que je dis, là, mais on pourrait dire que c'est satanique, entre guillemets, quelque part. Pourquoi? Parce que c'est lié beaucoup à l'âme, puis un assujettissement. Donc, c'est très. Le New Age, il y a. Vous le voyez, là, les gens dans le New Age, ils deviennent grisés. Grisé. Puis c'est pas par le New Age qu'on développe nécessairement de la volonté. La volonté créative se développe. Et toutes les gens que j'ai connus qui étaient par-dessus la tête dans le New Age, ça allait mal. Puis ça a mal fini, puis ils se ramassent dans la merde. Donc, comment se fait-il que quand on vit des phénomènes anormaux, ils s'effacent partiellement de notre mémoire? Donc, c'est ça, Christ. Excusez, j'ai des voix. Hein, des phénomènes anormaux s'effacent partiellement de notre mémoire. Ça, c'est intéressant. Parce qu'il y a certaines choses qui font pas partie, qui sont nouvelles, qui font pas partie de l'expérience collective de l'humanité. Donc, c'est pas, il n'y a pas de référent. Ça fait pas partie de l'expérience normale. Il y a aussi certaines instances qui sont capables de jouer avec la mémoire. Donc. J'arrive à, oui, des fois, j'arrive à sentir la présence d'entité. Ça m'est arrivé. Donc, je sais pas à quoi vous faites référence, monsieur Daguin. J'ai trop lu de. Je veux pas voir dans l'invisible égale voir le réel, avoir l'accès à ça. Le rayon, même savoir. Dans le sens que c'est quand vous voyez quelque chose, c'est savoir que c'est ça, c'est réel. Donc, le rayon. Dans l'ego passe quand le sang est assez fluide et vivant. La connexion se fait dans la matière. J'ai vu des gens qui étaient extrêmement en mauvais point au niveau de leur corps, qui avaient plein de dépendances, puis ils étaient beaucoup plus intégral et conscient que d'autres que j'ai vus qui avaient un corps et une alimentation parfaite. Donc, l'affaire de rayon, l'ego passe dans le sang, qui est assez fluide. Je ne sais pas, là, ça, yeah, c'est spécial, mais il semblerait qu'il y a des dichotomies très étranges. Parce qu'il y a les pleins, justement, puis il arrive que des gens, justement, vont être portés à s'intoxiquer, puis à être dans des dépendances pour se protéger de leur propre intelligence. Alors que ça va être beaucoup plus facile de vivre sainement pour des gens beaucoup moins en intégration de conscience, en chemin. Donc, c'est bien. Oui, moi aussi, je vois ça, le New Age, comme un leurre, dans le sens que ça récupère. Ça en est un seuil. Donc, puis, je le vois, je le sens tout de suite, quelqu'un qui est là-dedans. Une vibration là, de Madame Granola, tireuse de cartes, là, ça se sent tout de suite. Puis les yeux d'engraisse d'ébène, puis l'espèce de naïveté, puis d'optimisme enfantin. C'est très, très, très. Moi, ça me. Je suis allergique. Puis je deviens pas fin. Donc, tu sais, je pas. C'est par des chocs hein, qu'on évolue, puis que des vieilles structures se détruisent. Donc, je vais être porté à être dur. Puis sans au-delà de ma volonté, là, des fois, je me dis, ben voyons pourquoi j'ai été raide de même. J'ai été. Tu peux venir dans nos rêves. Aussi de la projection. Ben, possiblement, quand vous rêvez à moi, vous rêvez à une image de moi. Dans le sens que la mémoire expérimentale que vous avez de moi peut être utilisée. Donc, c'est pas nécessairement moi. Mais il y a quelqu'un qui m'a écrit que lui, il a rêvé à moi. Parce qu'il me sortait des choses. Il dit, t'étais comme ça, puis t'as réagi de telle façon. Puis j'ai dit, il rêvait à moi. C'était moi. Donc, le sang n'est pas lié à l'astral, ben oui. Le sang est magnétique. Mais ce qui va faire la charge magnétique dans le sang n'est pas nécessairement lié à. Vous savez, là, quand il y a eu un retour de certaines théories en Allemagne dans les années 30, là, que ça a commencé dans les années 1890 même, il y en a là, le sang est bien important pour eux. Le sang a une force magnétique liée à l'âme. C'est pas pour rien qu'il y a des rituels d'essaim dans le paganisme, certains types de paganisme. Puis les plans, certains plans sont friands de ça. C'est énergétique. Donc, premier direct avec toi. Je ne rêve pas de toi. Bon, ben, tant mieux. Peut-être que vous vous en souvenez plus. C'est troublant comme vous êtes différent dans vos expressions entre supramentaux. Je pense à Iso, qui définit sa vision différemment. Ben, c'est parce qu'il ne faut pas s'arrêter à la forme. Mais c'est les mêmes principes d'habitude, mais elle ne l'écoute pas vraiment. Mais elle parle d'archontes, puis d'affaires que, quand je vois ça, un petit peu. Moi, mes référents, là, ça va être au niveau là, de ce que je vous suggère. Bernard de Montréal, Daniel Kemp. Puis aller à la limite là, au niveau d'être terre à terre, puis de comprendre la mécanique des programmes. Charles Sabourin. Puis je m'excuse de ne pas avoir de dames à vous suggérer, moi, mais là, il y en a. C'est sûr qu'il y en a qui sont intéressantes. Mais Iso, à un moment donné, ça parlait de gens sans âme. Moi, je sais plus trop. En tout cas, j'avais vu des choses qui avaient moi, ça allait pas selon l'instruction, comme je l'ai. Dans la subtilité du langage tellement complexe, ben moi je trouve ça simple. Ça simple. C'est bien moins compliqué que des affaires comme la cabale, puis le supramental des faits, tout ça, il le simplifie, il fait que tout devient. C'est un peu comme du givre dans une vitre, toute la complexité que ça engendre, la mémoire psychologique, intellectuelle, alors que le supramental est comme un feu qui fait fondre le givre. On peut voir enfin à travers la fenêtre. Fuck la complexité. C'est un moment donné, là. C'est normal d'avoir une colère intérieure occulte et de vivre une très grande solitude, de voir la manipulation des êtres involutifs, sachant que les pensées viennent d'ailleurs. Il fait une grande centricité. Est-ce que ton passage sur YouTube pour transférer l'énergie, moi, ça me sert à ma propre intégration, dans le sens que souvent, je vais dire des choses que je ne peux pas m'attendre moi-même que je vais dire ça. Daniel Kemp aussi, ben oui, ils sont morts, mais l'information qu'ils ont descendue reste encore valide au-delà de la forme. Donc, ils peuvent servir de support. Donc, moi, il y a Sandra Vimont, mais moi, je n'ai pas envie de parler de cette dame-là. Je dis pas qu'elle n'est pas correcte, justement, je dis rien. Je veux rien. C'est parce que, vous savez, oh non, non. Bon, je ris contre cette dame-là, c'est correct. Si vous avez la vibration c'est correct, là, c'est tout correct. C'est juste quand ça tombe à certaines vibrations très très basses, là, comme il y a de certaines affaires nouvelles l'âge, mais je parle pas de Madame Vimont, là. Là, je vais être porté des fois à être plus dur. Elle est plus luciférienne, mais sans la dénigrer. Qui iso, Madame Vimont? En tout cas, mais non, c'est du bien bon monde, là, puis chacun va. Ceux qui ont quelque chose à se faire briser, ça va se briser, ça va se faire, c'est correct. À un moment donné, vous savez, Madame Vimont, qu'elle était la conjointe de Monsieur de La Salle, puis il venait juste de mourir, puis elle était chez Glenn à dire quasiment que c'était un pervers narcissique. Moi, ça, je m'en souviens, puis j'ai pas aimé ça. C'est le plus loin que je vais aller, puis vous regardez qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Parce qu'on vit à une époque que souvent une dame va être avec un homme, elle le trouve merveilleux, puis il est extraordinaire tout le temps qu'il est avec, puis là, à un moment donné, il va avoir une déception, il va avoir une rupture, puis là, tout d'un coup, c'est un pervers narcissique. Il y a une épidémie de pervers narcissiques. À un moment donné, là, tu sais, moi j'ai de la misère avec ça. On voit en tout cas, c'est à vous de voir par vous-même. Moi, c'est pas à moi. J'ai pas envie de parler des autres, j'aime pas ça. Puis c'est pour ça que j'aime ça. Des fois, je vais parler de Ken puis de Bernard, parce que, justement, je peux pas m'y mettre à dos, hein? Oui, pour l'instruction, fuck la complexité écrite dans la voix. Ben oui. As-tu un contact télépathique avec ton ajusteur de pensée où ça vient que quand tu dessines? Ben moi, c'est inattendu, mais c'est pas permanent. C'est quand je vais avoir certaines situations précises. Pourquoi pas la transparence de ta part sur Sandra? Parce que c'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires. C'est comme la gang à Glenn. C'est pas de mes affaires. Faut que je me mêle de mes affaires. C'est pas. Voyons, là, à un moment donné, là, ta cour et tes bébelles, ça, je l'ai intégré. Fait que je reste dans ma cour avec mes bébelles. Puis les autres, ils font leurs affaires. Bon. Bonsoir de la pète. Vous sentez mon énergie? Ben, vous êtes censé sentir de l'énergie chaque fois que vous voyez quelqu'un ou que vous écoutez quelqu'un. Bonsoir de la petite mexicaine. Beaucoup de gens parlent du supramental maintenant. Mais tu es de seul dont les mots me parlent intérieurement. Ben, c'est une question probablement de vibration. Donc, tu connais l'Ulumineuse? Non. Je ne suis pas très porté, moi, à bon, mon réfrigérateur qui se met à vibrer. Je ne suis pas très porté à me promener dans le milieu supramental, dans le sens que une fois qu'il y a un contact, une fois qu'on est moins intéressé à aller fouiner. Puis moi, c'est jamais plate, je ne m'ennuie jamais. Même quand je ne fais rien, j'ai mon matériel, si on peut dire. Donc, je ne connais pas les gens du milieu beaucoup. Mais vraiment pas beaucoup, là. Je connais David Liv parce que l'évêque, parce qu'on fait des entrevues. Je connais Sergio parce que c'est devenu un correspondant. Mais à part ça, je n'ai jamais été dans des groupes, puis je ne suis pas dans les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, je sais ce que c'est, je sais à quoi ça sert, et je ne veux rien savoir. J'en ai pas besoin. Même, bon. Chacun sa vibration, il faudrait écouter Marc. Oui, ben moi j'aime bien Marc. Pourtant, je ne l'ai pas beaucoup écouté. Comme Daniel Kemp, je ne l'ai pas écouté beaucoup, là. Presque pas. J'ai peut-être écouté quelques enregistrements. Iso parle des trois gardiens avec trois épreuves différentes pour que nous devons réussir pour aller dans l'éthérique lors de notre mort, y a-t-il... Ben là, c'est pas dur d'aller dans l'éthérique, rien qu'à avoir l'intégration de la conscience au niveau de ne pas être attiré par l'astral, de ne pas être assujetti à la vibration ambiante très forte de l'astral qui est capable de soumettre magnétiquement les mémoires de la personnalité et de l'ego, puis vous irez pas. De toute façon, ça irait contre les lois du monde de la mort. Parce qu'en tant que mémoire, si vous avez réellement intégré de la conscience réelle, ils ne seront pas capables de supporter ça. Ou là où vous allez aller dans l'astral, vous allez démonter de la mémoire. Donc, c'est pas dur d'aller dans l'éther. Je la pogne pas, là. Les trois gardiens avec trois, ça dépasse ce qu'il y a au-delà de la forme. Il faudrait que je l'écoute. Mais c'est pas dur de pas aller dans l'astral dans le sens que si vous n'avez pas... C'est une question de nature au niveau de l'énergie qui va au niveau de votre corps éthérique, dans le sens qu'il va avoir une dichotomie fréquentielle au niveau de l'astral. Donc, quelqu'un qui a intégré de la conscience réelle, il n'est pas obligé d'aller dans l'astral parce qu'il ne sera pas magnétisé, mesmérisé par l'ambiance qu'engendre l'astral, puis qui devient une lumière... et qui devient une lumière entre guillemets, une lumière irrésistible comme des papillons de nuit vers une ampoule électrique. C'est ça l'astral. C'est comme ça que ça fonctionne. Si en tant que papillon de nuit, vous savez que ce n'est pas de la lumière, que vous êtes capable de reconnaître de la lumière puis une mémoire de la lumière, que vous faites la différence entre de la lumière puis de la mémoire de lumière ou de la projection ou de la lumière réfléchie, vous n'irez pas dans l'astral. C'est pas comme les hommes anciens qui pensaient que la lune émettait de la lumière au lieu de la réfléchir. Tout simplement. J'ai peut-être manqué des choses, là. Je ne comprends pas tous vos mots et le supramental, mais vous écoutez, me parle beaucoup. Ben, de toute façon, c'est pas important, la forme. Mais l'affaire, là, de passer des tests par rapport à ça, je n'ai pas vu ça. Ça ne m'a jamais... Les gardiens du seuil, ben oui, mais oui, il y a des gardiens puis il y a des seuils, ça je suis d'accord. Mais l'astral, rien qu'à pas y aller, si vous avez la capacité de pas y aller, vous irez pas. Si c'est intégré, si c'est resté, si vous avez la vibration de pas y aller, ça marchera pas, là. Ils réussiront pas. Comme si vous êtes mourant, puis vous voyez commencer à avoir des morts autour de votre lit, puis que vous avez la capacité de savoir ce qu'ils sont, ils ne pourront pas vous servir de guide. Ça ne marchera pas, ils vont s'en aller. Votre propre lumière vivante qui s'émet encore va les chasser, puis ils n'auront pas la capacité de rester parce que vous allez émettre au niveau de la pièce où vous êtes en train de mourir un champ qui va protéger vos corps pendant le transfert sur les plans. Donc, Marc diminue la femme sur sa vidéo. Je t'invite à l'écouter. Ben oui, mais il faut que ça me tente. Hein. Il diminue la femme. Ça dépend de ce qu'il dit. Puis même là, si on regarde au-delà de la... De toute façon, on peut diminuer l'homme aussi. Là. On peut diminuer... Qu'est-ce que je voulais dire par là? Tu sais, l'astral m'intéresse crissement pas. Oui, mais là, des fois, il y a de l'astral qu'on ne se rend pas compte que c'est de l'astral. C'est intéressant. C'est toujours... Moi, il me reste encore à cette personnalité des fois pour... Je me fais avoir des fois. Si on veut te contacter en privé uniquement par courriel, ben oui, je l'ai donné sur la chaîne. Pourquoi avoir la haine contre les entités invisibles mandatées pour faire évoluer l'homme d'une race racine à une autre plus apte à intégrer du réel? Ces entités sont des alliés de l'humanité. Non, ça dépend de quoi on parle. Ça dépend de quoi on parle. Parce qu'il y a beaucoup, maintenant qu'il y a une certaine instruction qui a commencé à être verbalisée, regardez, là, anciennement, on disait que Satan, c'est un copieur parce qu'il n'est pas créatif. Donc, tu peux te déguiser en ce que tu veux, parce qu'il n'est pas écrit quand même Lucifer peut se déguiser en ange de lumière. Dans le sens que quand on réfléchit de la lumière, on semble lumineux. Sauf que l'astral est hypnotique, c'est pour ça. Je demandais des tuyaux pour aller dans l'astral pour se familiariser avec la vibration, d'être plus en mesure de différencier les vibrations. Moi, ce que je vois, c'est qu'il faudrait se familiariser avec des vibrations plus hautes que ça. Puis on n'a pas à se familiariser. C'est comme, vous n'avez pas à aller vivre dans un quartier pauvre pour vous habituer à la pauvreté pour devenir riche. Ça ne marche pas comme ça. Ben, je le vois comme ça, moi. Peut-être que vous n'avez pas tort, mais de toute façon, il y a un paquet de monde qui ont donné des trucs là-dessus. Ça fait 150 ans que les spiritistes et d'autres donnent des trucs, donc je ne veux pas en donner. Muriel, je l'ai écouté aussi cet enregistrement de Marc. Je ne trouve pas. Vous voyez, c'est une question d'interprétation. Au sens, ça m'enlève des peurs ce que tu dis. Ben oui, mais il ne faut pas avoir de... Vous savez que c'est par la crainte hein, qu'il y a un assujettissement beaucoup parce que c'est au niveau de l'instrumentalisation des forces animaliennes dans l'homme, la crainte. Donc, les enfants sont-ils la chaîne de la continuité? Ça dépend ce que vous entendez par là. Moi, je vois qu'il y a les enfants, ceux qui sont éveillés, le sont vraiment beaucoup. Mais je les trouve plus rares. C'est quoi pour toi le grand monarque? Richard Glenn aime bien ça en parler. Pour moi, c'est rien du tout. C'est un terme. C'est un sujet à la mode. C'est une stratégie de marketing. Le grand monarque. Écoutez, là, c'est un mythe. Ouais, mais juste une fois. Puis j'aime pas la vibration que je sens dedans. Comment expliquer que BDM ait toléré la vibration de Richard Glenn? C'est parce qu'ils avaient un travail à faire ensemble, dans le sens que c'est dans ce milieu-là qu'il y avait les gens qui avaient un réel besoin de briser certaines vieilles formes. Puis c'était Richard Glenn, la porte vers ces gens-là, qui est emprisonné dans la spiritualité naïve. Si je puis me permettre le supramental ou pas, m'en fous. Ce que je sais, c'est que rares sont les êtres. Ça dépend ce qu'on parle de là. Qui parle réel, vrai? Ben, ça dépend. Tout le monde à un moment. Tout le monde a la capacité. Même les pires finissent par. Il y a de la lumière qui pose dans tout ce qui est vivant. C'est que l'astral va te servir ce qui pourrait t'attirer. Ils font de la personnalité. C'est ça. Et c'est un peu comme les meilleurs, c'est du monde, c'est un plan de télé, de marketing quasiment, je dirais. Ils sont un peu comme sur Internet, là, les intelligences artificielles qui viennent à bout de c'est d'enregistrer vos goûts puis vos couleurs. L'électrification que vous évoquez me fait penser à ce que j'ai vécu à plusieurs reprises dans les années 90, comme une décharge électrique qui monte au cerveau. Est-ce ça? Ça dépend, là. Faudrait aller plus loin dans, c'est du cas par cas, parce qu'habituellement, qui monte, ça montait, vous. Bon, ce que je parle, ça se manifeste partout en même temps. Il n'y a pas de. Mais ça peut, il y a d'autres au niveau électromagnétique, il y a certains états que ça commence dans le bout des doigts. Puis c'est pour ça, là, je vous dis, ça dépend. Puis ça dépend aussi de votre système nerveux à vous. Parce que Richard venait de Montréal, il faisait des choses sur l'ésotérisme et les extraterrestres. Voilà, pour ben oui. Puis Bernard, ça, il y avait un mandat au début de. Bon, Bernard a dû arrêter les rencontres avec Richard Glenn car il focusait trop sur le. Ben oui, mais c'est son mandat à lui, Glenn. Puis j'ai même envie de dire sa mission. Et même, c'est pas pour rien qu'il est au pied du Mont Saint-Hilaire, là. Il y a une porte, là. Donc, puis moi, je trouve qu'il fait un petit peu. Monsieur Glenn, j'ai de la misère à l'haïr. Mais je n'ai pas de misère à haïr ce qu'il y a en arrière, des fois. Puis bon, Glenn était un journaliste, les questions étaient bonnes. Glenn, c'est un professeur d'éducation physique, si je me souviens bien, qui s'impliquait dans de la radio communautaire. Parce qu'il était fasciné par l'ufologie, puis ça le portait à vouloir aller voir le public, puis c'était un pas si pire communicateur quand même. Puis il y a une espèce de geek, là. Richard Glenn. Il me fait penser, moi, du monde que j'ai connu, là, les catènes à polyvalente qui sont dans le club d'audiovisuel, là. Il y a un peu de vibration, là, sans vouloir les dénigrer. Il a quand même été utile. Il l'est encore, peut-être. De toute façon, j'ai pas envie de. Les seuls qui me font réellement vibrer sont Bernard, Marc Kemp et vous-même. Énormément. Vous parlez, Monsieur Daou. Moi aussi, j'aime bien Monsieur Daou. Ça a l'air d'un bon bonhomme. Ils ont aussi dit qu'il est caché au Canada, le grand monarque. La rumeur, c'est, ben, vous voyez, ils ont, c'est peut-être pour ça que je n'ai jamais eu la vibration de. Moi, le grand monarque, je n'ai rien à faire avec ça. Bonsoir. Bonsoir, Marie-Jeanne. Est-ce que le film Matrice est un point de vue qui est réel à notre existence? Moi, mes yeux, non. Puis j'ai bien de la misère avec la mesmérisation au niveau formel stylistique que cette œuvre-là a engendrée. Parce que, vous savez, quand quelque chose atteint un pareil niveau de popularité, il y a anguille sous roche. Donc, puis il y a beaucoup de. Moi, j'ai jamais été capable d'écouter ça longtemps. Matrice, là. C'est pas. Ça, j'ai pas été marqué par ça. J'ai été marqué par le marquage des autres, que genre, je comprenais pas. Je disais, ben voyons. Je trouve même pas que c'est un bon film. Je suis désolé. Daniel Kemp et Bernard se refusaient de parler de quiconque, sachant que chacun avait sa vibration, dépassé la forme et la base de la science expérimentale. Oui, puis moi, j'ai beaucoup, beaucoup de personnalité. Donc, je vais être porté à faire cette erreur-là. C'est pour ça que je me méfie de ma personnalité. Puis je ne veux pas me mettre à donner mon opinion sur un puis sur l'autre. Parce que si je le fais, en plus, j'ai une certaine. Je suis drastique, hein, puis j'ai tout le temps été extrêmement franc et direct. Puis c'est là que je me dis, c'est pas de mes affaires. C'est pas de mes affaires. Dans le sens, c'est pas de mes affaires. Dans le sens que c'est pas de mes affaires. Donc, il n'y a rien là, là, Steven. Muriel, regarde les commentaires via le site de David Lévesque. Ne crois personne. Ah, oh, je n'ai pas été voir, je ne sais pas à quelle vidéo que vous parlez là, pour les commentaires. Donc, combien de temps l'épuration du mental a duré pour toi? C'est pas fini. C'est loin d'être fini, là. Moi, je ne suis pas. Les gens me surestiment. Il y en a qui me sous-estiment, il y en a qui me surestiment. Je suis en processus de dépolarisation de mon mental. Puis, j'ai de la misère. Puis, je trouve ça difficile parce que j'ai une forte personnalité. Donc, c'est dur. puis c'est loin d'être fini. Les Matrix, c'est des francs-macs imbus d'eux-mêmes qui nous montrent comment ils nous voient. Et voilà, ça rejoint un peu ce que je pense. Le vrai pouvoir est toujours en pleine lumière. Le véritable pouvoir occulte, c'est là dans votre face, puis personne ne le voit. Donc, un film que tout le monde prend comme référent au niveau d'un éveil va souvent faire partie de la manipulation à mes yeux. Si c'est très populaire, puis tout le monde se réfère à ça, puis ça devient un référent collectif, vibrant, mesmérisant. Et Anguille Souroche, c'est ce que je vous disais plus tôt. C'est pour ça que moi, ma truc, c'est comme... De toute façon, Keanu Reeves, je comprends même pas pourquoi il est acteur, ce gars-là. Quand t'as deux, trois expressions dans ta face, c'est pas suffisant pour être acteur. Non, je suis pas, tu sais, vous voyez, c'est pour ça que je donne pas, j'essaie de pas parler des autres. Je suis pas fin. Je suis pas gentil au sens, je manque de diplomatie des fois. C'est peut-être pour ça que j'ai quelque chose de policé, puis de... d'être diplomate pour... j'essaie de contrer ça. Il montre tout. Ben oui, tout est caché en pleine lumière. Théoriquement, si tu meurs, tu seras dans ton corps éthérique. Ben ça, je verrai. Théoriquement, c'est jamais théorique, vous savez, la réalité. Donc, mais j'ai pas peur. Ça, je peux vous dire. Qu'est-ce que vous avez fait dans les vestiaires à l'école? J'ai regardé la vidéo avec David et j'ai bien rigolé. C'était pas les vestiaires de l'école. C'était le vestiaire où mettaient les commissaires scolaires mettaient leur manteau quand ils étaient en réunion. C'était pas à l'école, c'était dans un bâtiment de la commission scolaire. Donc, puis oui, je leur ai fait les poches. Je suis allé me rembourser. C'est là, je vous dis, j'ai quelqu'un qui a une forte personnalité. Je suis pas toujours pour me donner un exemple. Parce que j'avais tellement souffert de l'imbécilité du système éducatif québécois que j'avais atteint un niveau de colère que j'étais rendu à... Puis en plus, mes parents avaient tous les deux un métier relatif à la justice. Fait qu'imaginez là, comment je suis un petit effronté. Il y a encore beaucoup d'ego en toi et bravo de le reconnaître. Tu as un potentiel réel puisque ta vibration est réelle, mais ta personnalité est aussi trop là. Bon. Ben aussi, si ma personnalité n'était pas là, je n'aurais pas le front de venir parler en public. Je n'aurais pas le front de parler. Ça me sert aussi, donc, pas le polariser non plus. Une question à propos de don des langues m'a déjà été posée. Il semblerait que plusieurs personnes dans le monde aient ce don. Est-ce que tu as déjà répondu à cette question? Ben, le don des langues va être intellectuel. C'est pas comme les langues de feu, là. Puis vous savez, c'est pas encore de l'esprit, là, à mes yeux. Mais ça peut servir, c'est important. Ça, c'est juste ça que je peux dire. Les acteurs, parce qu'il a vendu son âme. Ben, ça peut vouloir dire différentes choses, ça. Les minéraux, t'en penses quoi? Ben là, j'en aurais long à dire. Mais moi, le monde qui tripe sur des petites roches, j'ai de la misère avec ça. Moi, il y a les minéraux qui m'intéressent, c'est ceux qui ont une valeur pécuniaire. Je viens d'arriver et je n'écoute pas beaucoup. Ces temps-ci, vous êtes très actifs. Ah ben là, c'est parce que j'ai du temps. Moi, les Matrix, ça me dit qu'on... peut tout devenir Néo dès lors qu'on intègre les principes. Ouais, mais il fait pitié, votre bonhomme Néo. C'est pas ça la vraie créativité. C'est pas ça le vrai héros solaire. En tout cas, à mes yeux. Au contraire, il est comme l'homme nouveau qu'eux autres veulent. Puis à un moment donné, il faudrait que je le réécoute puis que j'explique pourquoi, à mes yeux, il y a de quoi là-dedans qui marche pas. Mais j'ai pas envie de réécouter ça. Je suis pas masochiste. J'applique plutôt sur les avertissements, de me concentrer sur le concept que le plus subtil et je suis testé sur le couple. C'est très, très astral et difficile à vivre. Mon dernier couple, là, je l'ai trouvé, ça a été le plus dur de tout. Ressentez-vous une gratitude de vivre? Ben, je sens que je vis, je sens la vie, je sens des choses, mais la gratitude, ça tombe dans du subjectif. Gratitude envers les plans, envers le fait que je brase la marde, j'ai cette possibilité-là. Bon, pourquoi pas? Je trouve juste que j'avais pas compris la même chose en écoutant. OK. Moi aussi, j'ai piqué les pièces jaunes chez mon oncle pour acheter des bonbons comme le. Ouais, mais c'est pas pareil, là. Votre oncle, là, est-ce qu'il vous torturait? Est-ce que c'était un corrompu méchant? Moi, je l'ai vraiment fait pour récupérer de l'énergie d'une façon ou d'une autre. C'était pas. Quelles prières sont vibrantes pour toi? Oh, ben moi, à part mes centres, dans le sens. Non, c'est sûr, si vous avez des émeraudes qui ont aucun défaut avec un nombre de carats intéressant à m'envoyer, là, je vais vibrer. Bon, c'est une blague. Ben non, moi, les seuls intérêts que j'ai eu pour les pierres, c'est pas lié à. Même j'ai de la misère avec ça. Le monde qui. C'est des supports extérieurs, donc des compensations au fait que l'être humain n'a pas encore cristallisé ses centres au niveau de ses corps sur les plans, ses centres dans son corps physique, au niveau du plexus. Vous n'avez pas besoin de pierre, là. Il y en a qui en ont besoin, peut-être, mais c'est pas. Donc. Bonjour Alexandre, je n'ai pas de questions, il y a assez de réponses qui vibrent avec justice. Bon, parfait. La pierre vibrante est l'or. Ben, vous savez, l'or est un métal, là, je ne le qualifie pas comme une pierre parce qu'au niveau moléculaire, c'est réellement un métal. Mais alors que la pierre, c'est des alignements différents, là. Mais oui. C'est des minéraux, les métaux sont quand même des. De toute façon, tout est. Vous savez, tout ce qui est matériel, tout ce qui est matériel quelque part est minéral. Dans le sens que ça a rapport avec la Terre. Dans le sens, pas la Terre, la planète, pas la Terre, l'élément, mais la Terre, le plan. Dans le sens, le plan matériel. La minéralisation, la densification, donc, vous savez, même un gaz ça peut être compris, peut être comprimé, devenir un minéral. Donc, même l'air, même l'eau, si vous faites geler de l'eau, vous venez de créer un cristal. Donc, tout est minéral. Il y a juste certains principes dans le plan matériel de transmutation, comme par exemple la chaleur, le froid. Là, on ne parle pas de minéraux, mais de principes. Mais il reste qu'au niveau substantiel, matériel, tout est minéral, tout ce qui est dense. Donc, y a-t-il un sujet que toi tu souhaites aborder? Ben, au début, je voulais parler parce qu'il y a quelqu'un qui m'avait demandé les personnes âgées qui pourront plus prendre soin d'eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Puis j'avais répondu par rapport à moi-même. Puis finalement, ça me revenait tout le temps que j'avais pas répondu comme il faut, mais je pense qu'on s'en va vers une forme de socialisme qui va aller vers le tri et l'élimination des plus faibles, parce que derrière les rideaux, nous avons affaire à des darwinistes sociaux. Puis ça, c'est luciférien. Donc, je pense que les gens vont. C'est ça que je voulais aborder au début, mais là, j'y pensais plus. Groupe sanguin A, alpha, B, bêta, O, oméga. Quelle raison groupe O négatif est tellement rare? Je me suis jamais penché sur ça. Je me suis jamais penché, mais ça me dit que c'est lié à un ADN spécifique. Donc, j'avais reçu une information raffinée télépathique du rôle que nous humains avons sur Terre. J'ai écouté BDM et ça concordait exactement avec l'information que BDM avait dit dans ses audios. Ben oui, il y a des bonnes. Moi, c'est ça qui fait que je me suis attaché à Bernard, pas parce que je le croyais, mais parce qu'il confirmait des choses que j'avais. Quel plaisir de vous voir en direct. Bon, mais le plaisir est pour moi aussi. Au fait, j'ai commandé des mycéliums de crinière de lion que je recevrai next février prochain. Je vous souhaite de les envoyer. Ah oui, ben là, vous savez, j'aurais pas nécessairement le temps de les cultiver comme il faut. Habituellement, je les fais venir sécher les champignons, puis je les réhydrate. puis je les mets dans ma soupe, là. Des fois le matin, quand j'ai envie de manger une soupe le matin. Mais ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé d'avoir envie de manger de la soupe le matin. Je suis peut-être en train de me dépouiller de certains parasites qui viennent de coins où on mange de la soupe le matin. Mais là, c'est gentil de votre part. Peut-être au fond que la créativité là-dedans, c'est qu'inconsciemment, vous les avez fait venir pour vous. Est-ce réel que les perceptions sont différentes lorsqu'il y a de la personnalité? Il n'y a pas de vérité, mais du réel. Donc, homme soumis à une polarité n'est pas esprit pur. On ne peut pas être esprit pur dans la matière. Il y aurait une incapacité de fonctionner au sens du plan matériel expérimental. Dans le sens que j'ai encore de la personnalité et elle me sert. C'est juste que je suis rendu à un point où souvent elle me sert plus qu'elle me nuit. Le fait, par exemple, que je suis devenu de plus en plus intransigeant, ça se manifeste dans ma personnalité et ça m'a plus servi que nuit. Ça me permet de sauver énormément d'énergie, de temps. Vous savez, l'astral a quelque chose de vouloir marchander, de vouloir... L'esprit est intransigeant. Puis ça peut être traduit par la personnalité qui se transforme. Là, je parle pas de transmutation, mais qui se transforme. Puis ça me sert. Puis ça vient que je peux utiliser ma personnalité, c'est au niveau où la personnalité nuit, que là, on n'est pas dans l'intégrale, mais quand ça commence à servir, comme que le fait que certains goûts que j'ai ou intérêts que j'ai finissent par me servir, donc le système ABO, aborigène, ben peut-être que certains groupes sanguins sont plus, au niveau génétique, plus près de la Terre. En tout cas, je dis ça comme ça. On dit souvent que l'astral n'est que mémoire. Cela veut-il dire qu'il n'y a pas de conscience dans l'astral? Il y a de la conscience satanique. Ça, c'est pas les morts, mais ce qu'on pourrait appeler les instances qui, au niveau hiérarchique, gouvernent l'astral et vibrent les lois qui, par influence, font en sorte que les morts sont limités. Il y a aussi le fait que les morts ne sont plus complets. Il leur manque un morceau, là. Ils sont morts. Et donc, ils ont de la pensée morte. C'est pour ça qu'ils ont besoin de la pensée des vivants. Ou que la pensée passe par les vivants ou soit dynamisée par les vivants. Parce que les lois de la vie, il n'y en a pas dans le monde de la mort. Ça vit par procuration à la mort. Donc, vous parlez parfois d'un partenaire de parole que vous avez beaucoup apprécié. Y a-t-il des sujets de parole sur lesquels vous vous opposiez? Oui. Oui, beaucoup. Oh oui. Mais nous étions très, très différents au niveau de nos personnalités, justement. Pour le reste, qui est en dehors de la personnalité, il n'y avait pas de... Est-ce que vous connaissez Against the Grain, Igor Kostelak? Un de Croatie dit qu'il... À quel moment on va avoir des tremblements de terre et fait des vidéos en anglais? Non, je ne connais pas. Comme je vous dis, moi, je ne suis pas vraiment... J'ai pas la curiosité que beaucoup de gens qui sont dans les choses alternatives ont. Faut que tu manges. On a besoin de toi en forme. Ben, je mange beaucoup. Hey, là, je fais 5 pieds 5, puis je pèse. Si vous saviez le poids que je fais, je suis assez massif, là. Je m'en viens de plus en plus. En plus, je prends du poids. J'ai de plus en plus de masse, là. Je suis assez. J'ai mangé, là, ce matin, là. Mais oui, là, je t'avais de manger. C'est sûr que je vais arrêter à un moment donné pour manger, mais ce soir, je pense que je vais commander. Des nouvelles à propos de ton expérience avec les ondes courtes. Fais-tu de la radio amateur? Oui, c'est exactement ça. Je voulais écouter les services d'urgence de ma ville, puis je me suis rendu compte qu'ils encryptent. Puis j'ai même fait venir une antenne qui m'a coûté cher. Puis, ouais, il y a un poste que je pogne souvent, là, c'est un preacher américain, là. Finalement, si vous saviez ce que ça m'a coûté, ça va sûrement me servir, mais je suis pas mal néophyte. Là. J'ai bien de la. Je suis encore. J'ai taponné là-dessus un peu, puis là, je me désintéresse. Puis, j'ai fait venir une Eaton Elite. Là. Je l'ai trouvé ça cher. Bon, je pense que. qu'à l'heure actuelle, le groupe sanguin n'a plus le sens qu'il avait, tout comme les rites. Ben, le sens, il a une nature, le groupe sanguin, les choses ont une nature. Il y a juste les rites en tant que forme subjective astralisante qui ont un sens. Puis là, même là, le sens, c'est que ça fait partie du psychologique totalement. J'aimerais échanger avec vous en privé. Ben, vous pouvez m'écrire, puis je verrai combien. Plus que 600 piastres, là. Si je compte l'antenne puis tout, là, même ça pète, là, 600, je pense. Ça m'a coûté cher. J'ai trouvé ça cher. Ça se peut se faire artisanalement. Ça peut se faire. Oui, je le sais. Mais j'avais pas le temps. J'avais pas le temps. L'arrêt du tabac, c'est pas toujours cool avec la prise de poids. Oui, mais j'ai pas pris de gras. Je me suis mis à prendre la masse musculaire. Donc, je suis pas plus gras que j'étais. Mais je suis plus lourd. Mais beaucoup plus. Il y a aussi, possiblement que je suis mieux hydraté. Donc, je dois vous faire un petit peu de rétention d'eau normale, alors que j'étais quelqu'un de desséché. J'avais le bout des doigts complètement plissé, là. Sur quel sujet vous n'étiez pas d'accord? Ben, c'est par exemple les forces animaliennes qui engendrent les dépendances, par exemple. Puis les dangers liés par rapport à ça. La polarisation magnétique liée aux relations amoureuse, par exemple, que j'essayais pendant des années de dire, il y a un piège là, t'es vulnérable de ce côté-là. Tout ce qui est par rapport aussi, le fait que moi, je suis intransigeant par rapport à certaines choses, et certaines choses, je veux dire, ça, c'est de la merde, point. Puis je vais pas, tandis que lui, c'était quelqu'un de conciliant qui essaie de voir du bien dans tout. Alors que j'ai pas cette polarisation-là, il y a des choses qui sont retardataires, point. Ça là, peut-être que ça protège l'homme un temps de sa propre lumière, mais c'est du retardateur, c'est du retardateur pareil. Puis des fois, on est retardé au niveau de choses qu'on est capable de supporter. C'est là que je suis pas d'accord. Le principe de l'amour définit le respect total. Ceux qui sont ici ne t'écoutent pas par hasard. As-tu intégré le principe de l'amour malgré la... Non. Non, c'est le principe que j'ai le plus de. La volonté moyen, l'intelligence un plus, mais par rapport à l'amour au sens non, comme par exemple, j'ai beaucoup de. Je suis quelqu'un de quand même. C'est peut-être lié à ma personnalité, mais aussi le fait que je suis pas patient. Puis le pire, c'est que je suis de moins en moins patient. Donc, il y a 3 4 jours, la lumière est revenue me faire une pression cérébrale. Je m'ennuyais de cela car aucune réflexion est possible. Pouvons-nous toujours être dans cet état? Ce serait plus simple. S'il y a une capacité d'être dans cet état-là, ça va se faire. Mais je sais que moi non plus, j'ai pas, au niveau de mon ego, j'ai pas le contrôle sur ces choses-là. Donc, sur radio, y a-t-il le secret défense autour de la question du COVID? Ne sera levé que dans 50 ans, comme les guerres aujourd'hui. Ouais, ben, il y a certaines stratégies que la Chine a servi de sous-traitant. Ça, je l'avais canalisé dès le début. Puis ça a été financé parce qu'il y a une guerre de certaines élites au cœur d'un même pays. C'est-à-dire, vous pouvez avoir un pays comme les États-Unis, puis que la guerre est interne, mais ça va jouer à l'international. Donc, tu dis qu'il y a des rêves nocturnes, je rêve toutes les nuits et cela ne fait plus mon affaire depuis longtemps. Pourtant, cela continue. Ben, il y a des intelligences derrière la forme qui essaient de nous parler. Puis il y a aussi le fait qu'il y a certaines choses, si on a quelqu'un qui rêve, en tout cas, c'est clair que ça a une raison. Donc, ça serait intéressant de parler du couple. Les femmes castrent beaucoup d'hommes inconsciemment et sur la psycho-électromagnétique. Avez-vous fait des recherches et associé cela? La parole vibratoire. Non, j'ai canalisé des choses, mais j'ai fait un moment, quand j'étais plus jeune, j'ai eu un intérêt pour certains phénomènes, mais plus vraiment maintenant. Je suis beaucoup sur l'auto-régulé, dans le sens, il y a des choses que j'intellectualise pas. Parce que j'ai l'impression que ça va plus vite, de pas y penser, de pas, même de pas s'intéresser à certaines choses des fois. Connais-tu les 7 rayons, les 7 alifs? Ça, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. Les sept rayons de conscience. Aleph, encore on va en parler, l'Aleph, parce que pour moi, il y a un Aleph. L'Aleph. L'Aleph, c'est le principe de multitude dans l'unité. C'est pour ça que la première lettre de l'alphabet hébreu, c'était l'Aleph. Et on disait que l'Aleph contenait tout l'alphabet. Donc, à mes yeux, l'Aleph, c'est un principe unitaire de la multitude. Donc, les sept rayons, c'est un peu comme l'arc-en-ciel, c'est-à-dire il y a là une division de la lumière. Donc, il ne peut pas faire autrement que d'y avoir qu'un seul Aleph au fond, mais l'être humain, comme il diffracte la lumière, il y a sept rayons, puis il voit sept Aleph. Mais l'Aleph est un principe d'unité, de la multitude dans l'unité. Donc, les sept rayons, j'imagine qu'on pourrait les raccorder à sept longueurs d'onde, puis à sept couleurs, mais au fond, il doit y avoir qu'un seul. On doit finir. S'il y a une intégration de ça, l'histoire des Alephes, il va y avoir qu'un seul principe à un moment donné, qui peut se résumer à trois principes qui, par permutation, peuvent engendrer tout le reste. Donc, je dois y aller, j'écouterai le reste ce soir. Bon, ben, bonsoir, Moonflix. Mathieu, là, j'ai tenu au jour où j'en perds, là. Si elle va trop vite. Mathieu, tout gars, serait intéressé de parler du coup. Non, ça, je l'ai vu. Le phénomène de la. Peut-il. Le phénomène de la dépersonnalisation, peut-il avoir un lien concernant le contact avec l'esprit? Ben oui. Parce que l'esprit, ça ne se réfléchit pas. Donc, ils peuvent mettre la personnalité en suspens un temps. Pour justement qu'il y ait une possibilité d'intégration, mais aussi pour que l'ego puisse sortir de sa subjectivité. Donc, bonne nuit. Bon, ben, bonne nuit, Franck. Ça va vite quand ça passe plus par les pensées, oui. Ça va tellement vite que ça devient. On ne peut plus verbaliser tant qu'on est encore à intellectualiser trop. Moi aussi, je dois quitter. Bon, ben, bonsoir, Mathieu. Benoît Taillac, c'est-tu normal que je me câlisse des chakras et de la méditation malgré la fascination? Ben oui. Bon, si, je m'en fous de ça. Les chakras, au fond, c'est les centres. Les centres qui font que l'être humain, comme il est multidimensionnel, il a des centres qui le relient à plusieurs plans. Puis, je ne vois pas d'autre chose, là. C'est intéressant de savoir ça, puis de savoir pourquoi, au niveau structurel, les architectures du corps, pourquoi au niveau d'une loi d'harmonie, ça a mis le corps comme il est. Mais de là, quand on est rendu dans des histoires, là, moi non plus, là, la méditation, les chakras, ces affaires-là, ça ne m'a jamais intéressé. Pourtant, et à chaque fois que je suis allé par là, j'ai vu, oui, ça, je sais ça, mais sous des formes moins naïves. C'est tout le temps des choses que je sais déjà, comme nous le savons, que la vibration de la parole va se loger au niveau, là, nous savons que certaines vibrations de certains instants, on peut le sentir, le centre qui est près de l'ombilic, pas besoin de. Moi aussi, oui, moi je dirais que c'est normal, que c'est les gens général, l'être humain en général n'est pas normal. Puis que l'être normal qui s'en calisse de ces affaires-là, peut-être que c'est lui qui, même s'il est en minorité, c'est lui qui est normal. Donc, c'est-tu normal? Moi, je dis que oui. Donc, tu sais, les gens ont pour les apprendre, pour les intégrer. Intégrer quoi? Comment voulez-vous intégrer intellectuellement au niveau de doctrine des choses qui, justement, sont bloquées par le fait que l'être humain intellectualise trop, qu'il est trop dans le formel? Donc, il y a quelque chose là de. Ben non, c'est comme vous n'avez pas besoin d'intégrer ce qui est votre foi pour qu'il fasse bien son travail. Quand vous allez avoir à intégrer ce qui est le foi, puis comment il fonctionne, c'est quand il ne fonctionne plus, puis qu'il y a un problème, puis que là, il faut trouver une solution. C'est la seule raison. Si l'être humain a créé des écoles de pensée, puis des formes, puis des doctrines, puis des sectes qui ont poussé ça au point de devenir des sciences extrêmement compliquées, c'est pas justement qu'il y a un problème au niveau de ces centres. C'est juste des civilisations qui ont des problèmes d'intégration au niveau de ces centres qui montrent des civilisations par rapport à ça. Regardez l'Inde. L'Inde, est-ce que vous vivriez là? Je parle là au niveau de la vie moyenne. Pas l'élite qui vit là, mais la vie moyenne, aimeriez-vous, là? Ils ont étudié ça pendant des millénaires. Ça leur a donné quoi? Ça a apporté quoi? C'est comme on est tellement obsédé à essayer de comprendre parfaitement le tissage de nos vêtements, puis on est tout nu. C'est dans le sens que c'est comme des gens qui ont enlevé, qui se sont enlevé des choses pour les étudier, ou qui les ont étudiées parce qu'ils ne les avaient pas. Ou, je ne dis pas qu'il n'y a pas une connaissance, oui, mais si ça aboutit à vivre à moitié tout nu avec la bouse de vache d'un cheveu, puis que c'est comme ça, bloqué comme ça pendant des millénaires, moi, ça ne m'intéresse pas non plus. Ça sent comme d'où ça vient. Donc, en tout cas, oh, là, c'est allé vite, là, j'en ai perdu beaucoup. Là, je suis vraiment perdu dans le chat. J'ai perdu bien du monde, bien des affaires. Je suis parti, ouais. Le phénomène, blablabla, je dois aller pas, ok. C'est-tu normal, ok. Tu es pas ça, ok. Quelle est la différence entre parler un sujet et parler d'un sujet? Ben, parler d'un sujet, c'est dans l'intellect. Parler un sujet, ça parle tout seul. Puis si vous vous enregistrez, que vous écoutez par après, vous allez vous rendre compte que c'était beaucoup plus ajusté que si vous l'auriez réfléchi, puis beaucoup plus proche du réel. C'est ça, la parole. Donc, psychopouvoir, manipulation de masse du... OK, c'est une suggestion. À l'origine, la lumière a été diffractée. Eh bien oui, sinon, c'est ça qui a engendré la pluralité des mondes, puis les forces de vie en évolution, puis que au fond, ce qui est parfait ne peut pas devenir plus. Mais là, ben, grâce à tout ça, on va finir par... que la lumière passe par le cristal. Oui, c'est pour ça qu'il va falloir... densifier le rayon, puis revenir à... Une fois que certains corps se sont densifiés, là, il y a possibilité d'arrêter de diffracter une lumière, puis c'est là qu'apparaît un nouveau stage. Donc, existe-t-il des mantras ou des techniques subtiles qui peuvent nous aider à atteindre l'objectif du supramental? Tant qu'à moi, non. Non, des mantras, surtout des mantras. Là, on est dans de la mécanique astralite, dans le sens qu'on est dans de l'auto-hypnose, là. Au contraire, si vous êtes à répéter des mantras tout le temps, moi je vois pas là. Quand il y a de l'instruction qui descend, ça c'est pas lié à des mantras. Puis ça vient pas de l'ego, c'est l'ego qui fait des mantras. C'est l'ego qui va se mettre dans des mécaniques auto-régulées pour mettre en suspens certaines parties de lui. Pour les neutraliser, il y a quelque chose là d'une compensation mécanique. C'est-à-dire qu'il faut intégrer certaines mécaniques, pas être obligé de les utiliser pour mettre en substance d'autres parties. Je vois pas... au revoir Steven. Muriel, est-ce normal de ne pas avoir de patience? Ça dépend. Il y a différents stages de... Moi aussi, je suis pas très patient. Surtout, l'esprit, c'est impatient. J'ai remarqué ça, que ça me rendait... C'est pour ça que c'est pas encore sous le contrôle. C'est pas encore intégré, ça. Tandis que l'âme, ça peut rendre d'une patience naïve et autodestructrice. Il y a des gens, là, ils vont faire, là, ils vont se donner, là, puis donner les autres, là, puis finalement, ils meurent d'épuisement. Ça, c'est lié à l'âme, des agissements comme ça. Mais tandis que l'impatience qui fait que là, ça va faire, puis vous mettez fin à une situation qui vous vampirisait, ça, c'est de la bonne impatience. Il y a de l'intelligence là-dedans. Donc, puis ça bouge, c'est dynamique. Ça, c'est vrai que l'être humain, il n'est pas top. Ça va finir par... C'est parce que le problème, c'est que c'est pas collectif là au début. Où est la normalité? Wow! J'ai un paquet d'affaires qui ont... c'est quoi? Où est la normalité? Ouais. La normalité dans l'harmonie. Les sept alephes sont des principes comme l'intelligence, volonté, amour, sagesse, endurance. Ben oui, mais là, pourquoi avoir besoin de les mettre dans des formes comme ça? Ça me fait quasiment penser à saint Thomas d'Aquin, là. Les vertus cardinales, puis maintenant, là. Moi, j'aime pas ça, ces formes-là. C'est quoi les sectes généralement? Les sectes, c'est quand il va y avoir un microcosme d'astralisation, de mesmérisation magnétique, dont le centre est un gourou ou une personnalité charismatique, c'est ça une secte. Mais là, que la personne, à cause de l'ambiance astrale générée autour d'elle, va devenir de plus en plus subjective, peut être récupérée par des forces d'assujettissement. Comme bah, l'autre, là, Osho, Bhagwan, Rajneesh, ça, c'est une secte. Là. Quand c'est rendu que tu demandes au monde de mettre leur, ta photo dans. Ils se mettent ta photo dans le cou, puis que le bonhomme, finalement, il est drogué bien raide, puis qu'il a des relations sexuelles avec ses adeptes, puis qu'il meurt du sida, ça, c'est une secte. Typique. Une secte, là, c'est tout le temps un individu qui est dans une subjectivité au point de polluer d'autres, puis de vampiriser leur énergie. C'est ça, une secte. Ça finit tout le temps mal. On le voit par quand quelqu'un vous dit là, tu devrais pas parler à telle personne, quand il commence à vous dire quoi faire. Ce sont qui les hommes habillés en noir? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Parce que moi aussi, des fois, je m'habille en noir. Là. Je suis allé dans un salon funéraire là, à un moment donné, et je me suis habillé en noir là, par respect des conventions. J'ai un habit noir, il est pour ça. Vous parlez les hommes en noir? Bernard pensait que c'était des densifications faites par des forces qui peuvent pas. Que c'était, si on peut dire, des corps synthétiques, des espèces de momies. Moi, qu'est-ce que je pense des hommes en noir? Si vous voulez parler de les hommes en noir là, qui viennent. Ben, moi, je pense que c'est. Comment je pourrais dire ça? De la guerre psychologique. Puis aussi, c'est une tactique de guerre psychologique. Puis de. Parce que là, des hommes en noir, ça peut être bien des choses. Pas dur des employés gouvernementaux d'aller impressionner quelqu'un d'impressionnable. De la même façon que c'est pas dur pour certaines forces de créer des densifications. Puis d'aller s'en servir pour essayer de faire taire du monde. Ou carrément faire parler du monde. Parce que. Moi, mettons que je veux faire taire quelqu'un, je ne vais pas y envoyer deux bibites étranges, deux bonhommes étranges qui ont le teint blafard, puis parce que la personne, elle va parler de cette expérience-là en plus de ce qu'elle voulait, ce que les autres disaient de ne pas parler. Puis c'est pour ça qu'on en parle. Donc, c'est quoi qu'il y a derrière ça? Ça peut être bien des choses. Moi, ça ne m'a jamais vraiment intéressé, les bonhommes. Uriel, question, super. J'arrête ici, je ne sais pas de quoi vous parlez. Les gens supramentales sont-ils des réincarnés de la quatrième race, le retour des Atlantes, comme Daniel Ménard qui était un magicien, selon BDM. Moi, pour moi, Daniel Ménard, c'était un astrologue avec un mauvais caractère. Un magicien. D'habitude, les magiciens, là, au sens où... souvent, là, si on parle surtout de magiciens d'un certain type, d'habitude, ils vont être plus en moyen que ça dans leur vie parce qu'ils connaissent des façons de... Vous savez, la magie, c'est la capacité de densifier de l'énergie. Donc, souvent, ils savent comment faire de l'argent, ils savent comment... Mais moi, Daniel, je le vois pas comme... Pourquoi un magicien? Selon BDM, auparavant, ça dépend ce qu'il voulait dire par là. Puis, est-ce qu'on est des réincarnations de la quatrième race, le retour des Atlantes? J'ai pas la vibration. Si je me demande, est-ce que j'ai fait partie de la quatrième race puis des Atlantes? Vibratoirement, ça me dit que non. Là, je peux juste parler pour moi. Même au contraire, ça me dit que j'ai eu rapport à ça, c'était des opposés. Des civilisations opposées. Donc, je sais pas. Puis même là, j'arrive pas à avoir la mémoire de choses comme ça. Puis même là, je veux pas me fier à ce que ça me parlerait de choses comme ça. Donc, je sais pas. C'est pas nous qui va choisir d'être supraconscient, à mon avis. Ben non. Moi, si j'avais choisi ce que je voulais faire, je serais pas là, là. Je me considère même pas comme supraconscient. Fait que... Si je me demande comment tu réagis si un témoin de Jéhovah cogne à la porte, ben moi, je vais vous le dire habituellement, quand j'habite un nouvel endroit et qu'ils viennent me voir, ils viennent juste une fois. Ils repartent pas mal troublés. Parce que c'est eux qui viennent me voir après tout. Moi, je leur ai rien demandé. Hein? Puis là, je leur explique. Je leur explique comment je vois ça, ce qu'ils me disent. Je défais à mesure tout ce qui me sort. Parce qu'en plus, les témoins de Jéhovah, je les connais dans le sens que je connais Chase Russell, puis je suis au courant d'affaires qu'eux autres n'ont même pas le droit de savoir. Les conseils des anciens ne veulent pas qu'ils. Pourriez-vous dessiner d'autres figures géométriques? Ah, ben oui. Ben oui, je peux les faire les 8. Je peux même tout vous montrer, toutes les 72. Ben, je l'ai fait, ça m'a pris du temps, là, mais je l'ai tout fait ça. Ben oui, je pourrais le faire. Donc, en tout cas, message retiré. Les adeptes du soufi Amadou Bamba portent son portrait autour du cou eux aussi. Ben oui. Puis ça, c'est typique de l'astral. Des affaires dans à mes yeux. Je suis pas en train de dire que c'est nécessairement. Mais c'est quoi, là, ça, cette histoire-là, portant scapulaire, la face de Joe Blow. Trouvez. Intérieurement, si vous demandez, ça a-tu de l'allure des affaires de même, mais soyez attentifs à ce que ça va vous répondre. Puis là, vous pouvez voir la réponse, elle vient d'où. Tu éclates nos converses. Ça se peut des fois que vous parlez de vous autres, puis que je vais trop vite, puis c'est mêlant. La femme cosmique, quel est son rôle? Ben là, ben, je sais pas. La femme cosmique, la femme, ben c'est. Ok, ça me dit que c'est lié à des lois d'harmonie, de complétude. Bon, ok. Une autre, Stéphanie. Une personne a dit, nos racines, elles viennent d'ailleurs, nos racines. Ben, nos racines viennent d'ailleurs. Notre essence vient d'ailleurs, mais nos racines sont. L'incarnation, c'est une racine. Tu éclates nos convictions, notre point de vue sur la vie. Tu es particulièrement fort pour nous remettre en question, c'est parfait. Mais ça, il va falloir à un moment donné se remettre en question tout seul. Je ne sais pas si vous voyez. En tout cas, témoin de Jéhovah, une fois ils sont venus et j'ai laissé parler une demi-heure et après, j'ai fermé la porte. Pauvre monde. Bon, moi, d'habitude, je les fais entrer, puis. Souvent, ils me demandent, c'est quoi tes activités préférées? Là, je leur dis, jouer aux échecs, lire de la philosophie et manger du boudin. Là, vous devriez leur voir la face. Je leur avais sorti ça une fois. C'est des choses qu'eux, ils n'ont pas le droit. Ils comprennent là, que je sais des. Tu sais, tu ne viendras pas me vendre de quoi avec les bons côtés quand je connais toute la patente. Ils savent que la stratégie ne marchera pas, là, que je fais une joke. Puis après, ils prennent ça, moi. Sur quel sujet aurais-tu voulu publier en maison d'édition? Je ne le sais pas encore, mais pour moi, ce serait facile d'écrire un livre. Ça va écrire tout seul. J'ai juste à prendre un sujet, demander, bon, c'est quoi telle affaire? Puis juste l'effet mécanique d'écrire, tout de suite, ça se met à. Puis là, ça passe, ça vient. Puis là, plus je le fais, plus ça. C'est un peu comme ça là, que la jeunesse s'est écrite, même si Bernard il l'a dictée avant que ça soit retapé. Mais d'après moi, je pourrais faire un livre d'à peu près 1000 pages en 3 semaines. Mais l'affaire, ce qui serait long, c'est la correction, la mise en paragraphe, là, parce que ça, c'est tout d'une traite. Hein, c'est une façon, ça se prête pas bien au niveau de la forme. À la lecture, il faut tout le recadrer, le reformuler des fois, tout le redéfinir certaines parties, à mettre des chapitres, mettre des paragraphes. Là, ça, c'est la job là, qui peut prendre plus de temps. Donc. Mais j'aimerais publier d'autres personnes aussi. Puis, bon. Mais là, je suis allé. En ce moment, j'ai mis pas mal d'argent ailleurs, là. Puis, bon. Tu es déçu de la. Attends. Tu es déçu de la race humaine. À combien de pourcentage? Bon, 100%. Parce que la déception, c'est lié à l'ego. C'est lié à la personnalité. Donc, 100%. Il y a une partie de moi qui est satisfaite. Donc, l'homme cosmique, quel est son rôle? La même chose, mais dans l'équivalent. Dans l'autre bord. C'est comme si vous brisez une assiette, les deux morceaux, ils ont la même. C'est juste, mais même s'ils sont différents, ils ont la même fonction de reformer une assiette un jour. J'ai une personne qui tripe sa Bible et me traite de brebis égarée. Je m'en calisse, mais elle m'étouffe avec sa bonté toxique. Ben, c'est facile parce que souvent, les gens qui sont au niveau d'une fascination mesmérisée de la Bible, c'est au niveau de formes d'interprétation liées à des collectifs, de l'âme collective expérimentale humaine. Donc, si vous avez un contact avec l'esprit, puis que vous êtes capable de la lire, la Bible, puis de la comprendre, vous pouvez de faire tout ce que cette personne-là pense de la Bible. Mais je vous suggère de ne pas le faire. Puis de toute façon, les gens qui ont la foi, qui vont à l'église, puis il ne faut jamais les laisser les faire. Et on ne peut pas enlever ça aux gens. Moi, je m'en accorde pas le droit. Mais si la personne m'achalerait trop puis que ça devient agressant, là, ça se peut que je m'accorde le droit, par contre. Qui va pas être déçu de la race humaine quand on voit un être humain, ce qu'il est capable de faire, surtout à un autre humain? Oui, puis même des fois, ce qu'on est nous-mêmes capables de faire dans certaines situations où ça vibre bas, puis qu'on n'a pas tous nos moyens. Puis qu'une fois après qu'on revient, on remonte plus haut en vibration, puis là qu'on le voit, là on est déçu de l'humanité en soi. Puis là on voit les influences. C'est là qu'il y a une certaine épuration qui peut se faire, parce que ce qui est vu, puis ce qui est enregistré. Donc, si vous pouvez arriver vous-même, pour vous-même, à ne pas répéter certains patterns, là, c'est déjà. Parce que vous savez, la déception de l'humanité, c'est pas juste à l'extérieur, là. Il faut être aussi. Il faut que ça serve. Hein. Donc, si je gagne euro million en partage, oh, ben moi, j'ai jamais accepté de même. Justement, là, quelqu'un avec qui je correspondais à un moment donné, il voulait me donner 3 000 piastres. Puis j'ai dit non, non. Tu sais, c'était juste pour me le prêter, là, sans intérêt. Mais j'ai dit non, non, non, il n'y en est pas question. D'où viennent les pensées? Ben, du plan de la pensée. C'est-à-dire qu'il y a un plan des architectures de la forme. Quand l'énergie, au niveau de l'information, l'informe passe à travers le plan, ce plan-là, des architectures du mental, ça prend forme. Puis là, ça devient de la pensée. L'ego est une densification au sens d'une cristallisation. Quand l'énergie passe à travers, qu'elle devient psychique, elle devient de la pensée, puis là, elle va être intellectuée par la mémoire, puis ça va prendre forme. Mais la pensée en elle-même vient au niveau là, de sa source, là, si vous voulez, ça vient de l'informe, c'est de l'information, c'est-à-dire que ça va prendre forme en passant à travers les corps puis les plans. Puis c'est là que ça peut être intercepté ou envoyé ou dirigé, parce que les plans sont habités. Donc, la pensée a son propre monde, c'est-à-dire que. À un moment donné, on va peut-être se rendre compte de tout ça. En tout cas, je l'espère. J'ai été missionnaire mormone et aujourd'hui, je m'intéresse au supramental. Eh bien, les mormons, c'est un autre gang de Joseph Smith là, qui lisait des plaques d'or dans un chapeau. C'est assez spécial, ça, les amis. Je sais pas. Mais oui, c'est normal, à un moment donné, quand la forme ne vous mesmérise plus, d'aller voir. Puis là, le supramental, c'est le fun parce que c'est ce qui est au-delà de la forme. Donc, j'ai bien ri quand BDM disait qu'il y a des gens qui pensent à lui pendant qu'ils font l'amour. Ah, oh, ouais. Je me souviens pas que quand il y a du sang, il dit ça. Ouais, ben, c'est quoi, si tu pourrais retenir, si tu pourrais être moins précoce qui faisait ça, le monde? Peut-être que ça marche. Je te lève, je t'ai tiré assez le bon. Ben, bonsoir, Benoît. Camille, mon père incapable de comprendre ce que je puisse lui apporter quelques informations. Je lui ai dit, c'est pas Joseph qui a fait Jésus et depuis, il ne veut plus me parler. Mais c'est ça ce que je voulais dire dans le sens de faut pas faire ça. Les gens, comme par exemple, la conscience, ça va être liée à la personne en tant qu'individu. C'est individuel, c'est individuel. Puis au début, quand on commence, par exemple, au début, quand j'ai commencé à dire, ah, Bernard a dit ça, ben, je lisais quelque chose, je le savais, ça, puis je devenais tout énervé, puis là, j'avais envie d'en parler, genre, mais que c'était pas ajusté, j'avais envie d'en parler à la caissière au dépanneur. Ça, c'est pas ajusté. Puis je voulais en parler à mon entourage, mais je ne l'ai jamais vraiment fait parce que ce n'est pas ajusté non plus. Puis vous allez toujours le voir quand ce n'est pas ajusté. Dans le sens, ça vient quand ça vient. Il y a des gens, il faut qu'ils vivent leur programmation, puis qu'ils meurent dans leur boîte parce que c'est lié à comme, c'est une question de respect aussi de la personne pour sa programmation, de la personne pour son expérience à elle. On ne peut pas commencer à vouloir déprogrammer, reprogrammer les autres. Puis vous verrez que ça ne marche pas comme ça non plus. Puis si jamais ça marche, là, vous avez, c'est parce que vous êtes, il y a de quoi qui ne marche pas dans le sens que c'est là que c'est dangereux qu'il y ait des dérives. Si votre travail sur les 72 hexagrammes serait chouette, j'ai essayé de retrouver les 8 trigrammes à partir de la figure, mais elle n'a pas réussi à voir quel temps va à quel dessin. En vrai, eh bien, pourtant, c'est très simple. C'est très simple. Les premières fois que j'avais capté ça, j'avais dû tout prendre en note parce que je n'arrivais pas à le voir intellectuellement. Mais pourtant, c'est très simple. Une fois qu'on a la clé, je le ferai à un moment donné. C'est qu'il faut que j'achète un tableau. Il faut que j'achète un tableau avec des feutres, là. Puis à ce moment-là, je ferai des dessins. Parce que ça va trop mal avec du papier. Puis je le montrerai. Je montrerai chaque clé chiffrée. Je vais t'écrire car ta vibration change beaucoup avec les questions. Mais j'aime les réponses car cela ressemble beaucoup à ce qu'on vit tous. Ben, c'est sûr que je m'ajuste à mesure. Mais chaque question a une vibration. Puis ça va tout le temps, donc je fluctue avec. Moi aussi, je souhaite que les plans soient découverts. C'est ce que j'exige à la source, les protocoles de la source. Mais imaginez là, que tout ça serait rendu public, puis qu'il y a des scientifiques, puis ça deviendrait un consensus. Ça serait tout simplement, encore une fois, une resubjectivation, puis ça pourrait pas être ajusté, puis ça brusquerait trop la civilisation. Déjà, là, ils veulent la brusquer au niveau d'une. Puis, on voit que c'est pas ajusté. Puis, c'est déjà des initiés, quelque part, des gens qui savent des choses, qui ont voulu ça, mais ils connaissent pas, ils savent pas que. Ils savent pas ce que c'est vraiment, Lucifer. Ils savent pas ce que c'est vraiment, ces forces-là. Donc, c'est pas. Mais si on rendait, si tout était découvert et qu'on rendait tout public, de toute façon, c'est en partie découvert. Mais ça peut pas être rendu public. Ça serait trop. Ça détruirait le plan expérimental au sens où il serait plus ajusté aux individus. Donc, oups, ça va vite un peu. Des fois, je dois perdre des messages. Aussi, une fois j'ai vécu en plus un travail, j'ai vu comme si j'ai une tablette sumérienne sur mes jambes avec une écriture d'un autre temps que je ne sais pas décoder. Ben, c'est là que si vous ne donnez pas la clé, moi, mettons qu'il me passe de quoi puis que je n'ai pas la clé avec, je dis garde-les. J'en veux pas. Je peux rien faire. Puis. C'est pour ça là, que c'est des formes que est-ce que ça peut vraiment. Il faut que ça serve. C'est une des choses que j'avais parlé il y a des années. Si ça ne sert pas. Donc, mais ça peut aider à voir qu'il y a des plans. Justement, ou bon. Un flash. Moi, des fois, c'est trop fugace. C'est trop. Concernant mon père, ça ne me dérange pas car il a la monnaie de sa pièce, il a passé sa vie à manipuler son entourage. Je lui dis merci d'être un bon exemple à ne pas. Ben, il y a une polarisation là, dans le sens que votre père, il ne faut pas penser qu'il vous aime pas ou qu'il souffre pas. Là, peut-être qu'il vous aime pas puis qu'il souffre pas non plus, je sais pas. Mais dans le sens que des fois, au niveau de mémoire, justement, à cause de la mémoire expérimentale de votre vécu dans l'enfance, puis là, par rapport à la famille, c'est possible que ça vienne subjectiver vos rapports à votre père au niveau de votre mémoire psycho-affective d'âme, puis la sienne aussi. Donc, ça donne quoi de le confronter, votre père? De toute façon, vous devez être adulte, c'est peut-être plus le temps de. Ça dépend toujours, là. Mais bon, as-tu une conscience d'un cheminement personnel sur des siècles ou millénaires? Pas vraiment. J'ai pas cette mémoire-là. J'ai des sympathies très très fortes avec certaines régions de la Chine. Puis j'ai des sympathies très très fortes avec certaines régions de l'Europe. Mais ces sympathies-là ne sont pas aux mêmes époques, comme s'il y avait réellement eu des incarnations, comme si j'étais passé de la Chine à l'Europe, à l'Amérique, mais à niveau d'une linéarité dans le temps. Mais est-ce que c'est réel? Je peux pas vérifier, je le sais pas. Mais Pourquoi pas? Je sais pas. Donc, ça reste impossible, mais j'y crois pas non plus. J'essaie de pas. Quand tu découvres que ton meilleur ami t'a volé, veux-tu. Ben, ça m'est arrivé que des gens me volent, mais je le savais. J'ai pas eu besoin de le dire. Je l'ai su tout. En tout cas, que ton meilleur ami t'a volé, tu t'en remets alors pour le mensonge cosmique. Il y a moyen de faire avancer la conscience et arrêter ce manège inhumain. Vous savez, le manège, il a été nécessaire, puis il l'est peut-être encore à certains. Bon, vous savez, là, ça reste. Des fois, je trouve des. Je sais pas, c'est des trisites, des trisites, j'ai aucune idée de ce que. Ah, des traits. Ah. Ben, ça se peut. J'avais justement un de ceux qui a été un partenaire de parole longtemps. À un moment donné, il se met à. On était sur Skype, puis il se met à avoir une réaction étrange à l'autre bout. Puis je le demande, puis je dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, t'as eu un changement de physionomie. Lui, il m'a vu tout d'un coup plus vieux, puis le visage très, très asiatique. Puis il dit, pendant un instant, t'étais comme un vieil asiatique. Puis il dit, c'était un phénomène, lui, c'est au niveau de sa perception, de sa vue, mais il pense que c'est un phénomène physique qu'il a observé. Donc, c'est difficile des fois, la physionomie, puis le cerveau nous joue des tours aussi, ben, au sens de la perception, là. J'ai été élevé chez les témoins de Jéhovah. Une partie profonde de moi se sentait de plus en plus insultée avec l'âge, malgré l'endoctrinement de naissance. Ben oui, ça va être lié ça au type d'âme que vous avez. Il y a des. Puis, bon, c'est une manifestation. Là, vous voyez, là, la colère puis l'inconfort, c'était de l'intelligence qui commençait à se manifester. Donc. Ça dépend de la programmation de chacun, mais oui, c'est insultant, les témoins de Jéhovah. Ils n'ont pas le droit de lire sur leur fondateur. Il y a quelque chose. Le discernement personnel est pas permis, est vu comme. Ça, c'est certain que c'est insultant. C'est une insulte à l'intelligence individuelle. Ça devient comme ça. Mais toutes les sectes, jusqu'à un certain point, c'est ça, même les religions. Parce qu'à mes yeux, si les religions organisées sont sataniques, c'est pour des raisons de domination par l'âme et la mémoire. Puis si les gouvernements sont luciférien, c'est pour d'autres raisons. Mais à mes yeux, prenez, nous sommes assujettis au niveau de notre propre corps par des forces animaliennes, ensuite à notre âme, au niveau de notre âme par des forces sataniques, puis après ça, au niveau de notre esprit par des forces luciférienne. On est empêché tout le temps. C'est normal que l'intelligence réelle se manifeste par de la colère et de la frustration jusqu'à un certain sens quand on est encore dans la personnalité puis dans l'ego. C'est au niveau le vital, l'émotif, c'est à tous les niveaux. Donc, c'est certain que cette trinité-là inversée, il va falloir qu'il se reflète dans le miroir d'un ego à pacifier. À un moment donné, il faut que ça éclate. Puis, c'est bien correct. Donc, bon, j'ai-tu perdu des choses, moi, là? Merci pour ta réponse. Tu m'apportes un nouveau regard qui me donne envie de recontacter mon père sans le confronter. Ben oui, ben voyez ça comme une technique. On peut pas être ça prend de l'énergie être en guerre. À un moment donné, c'est peut-être d'être indifférent à certaines choses, pas laisser certains programmes se déclencher pour pas perdre d'énergie. Puis votre père, moi, mon père, hein, je lui ai pas parlé pendant 2 ans et demi à un moment donné. Quand j'ai su qu'il était malade, on a repris contact. Puis je suis content de ça. Puis il est mort, j'ai pas vraiment eu de deuil à vivre. C'était correct, il a vécu, il a succombé à sa programmation. Puis c'était réglé, puis il n'y avait pas de conflit. Puis aujourd'hui, c'est pas une mémoire qui me tire de l'énergie. Les forces sataniques et luciférienne savent que leur temps est terminé. Pourquoi la source reste sur des protocoles obsolètes? Nous sommes une évolution en expansion. Les protocoles obsolètes. Mais voyez-vous, on n'est pas tout seul là, sur la planète. Là. Il y a du vieux monde, là. Il y a des vieilles races que nous côtoyons, puis ils sont en majorité. Donc, c'est correct aussi, peut-être, là. Il y a des choses qui sont encore nécessaires, semble-t-il, mais je comprends votre colère. Puis, oui,

l'incapacité qu'a l'être humain à gérer sa perception parce qu'il ne se donne pas. Nous sommes mal éduqués. Nous sommes mal éduqués, le système nerveux se forme mal. Prenez l'expérience qui a été faite par certains neurologues allemands. Plus un enfant a d'heures de télévision, moins il dessine bien. Et ça, ça a été démontré là, cliniquement. Donc, ben moi, je le vois au niveau de l'intégration qui se fait. La technologie est rendue trop rapide pour en tant que source environnementale d'information. Puis le système nerveux est assailli tout le temps et donc il se forme mal. Et nous n'avons pas intégré dans notre éducation des masses la capacité de transmettre, une capacité d'être centrique et de gérer l'énergie nerveuse. Donc, ça donne ce que ça donne. Tu dis, les autres dans les plans, nous ne sommes pas seuls, il faut du temps. Et alors, peux-tu expliquer, ça dépend de quoi on parle. C'est certain que nous ne sommes pas seuls, qu'on n'est jamais seul, mais là, c'est au niveau de vos contreparties. Si vous êtes multidimensionnel, il y a de l'énergie, il y a de l'intelligence sur différents plans, donc l'ego est pas, c'est pas tout, là. Donc, chez vous, au travail, il y a du monde qui jouissent pour faire du mal aux autres. J'ai déjà dit plusieurs fois, faites attention, effet boomerang. Quelqu'un va payer, ça peut être vos enfants. Ben, vous savez, il est écrit que la faute du père tombe sur le fils. Il y avait quelque chose de réel au niveau des lois mécaniques de l'énergie là-dedans. Je ne suis pas du genre à rejeter totalement. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a beaucoup de choses réelles dans les vieilles choses. C'est juste que ça prend le discernement de savoir ce qu'on lit, de voir. Je lis Bernard Danielken, Michel Dorn, Marc, Michel, Thomas. Et Sandra, tout est correct. Ben oui. C'est certain, dans le fond, là. Vous pouvez lire Lucie Maud de Montgomery aussi, ça va être correct. Je veux dire, jusqu'à un certain point, c'est au niveau de l'interprétation personnelle, parce que c'est très individuel, le contact avec un livre à mes yeux, là. Marie-Jeanne, je l'ai pas. OK. Vous parlant de vous autres. Camille, oui. Selon C. Patrick, nous doublerons à modifier les décrets au niveau des hiérarchies des plans supérieurs au fur et à mesure pour récupérer notre propre régence. Ben oui. Moi, de la façon dont je le vois, c'est au niveau où la gestion doit se transférer. À mesure qu'il y a une densification en bas, la gestion doit se transférer. Puis c'est ça, la conscience intégrale. Donc, bonsoir, M. Todd. C'est la forme. Bonsoir. Ben oui, quoique je commence à être fatigué, ça fait un bout de temps là, que je suis en ligne. Ça fait 2h22. Je pense qu'à 2h30, je vais arrêter. Ben, je ne me rendais pas compte, je perds la notion du temps. Mais je ne suis pas sur une très bonne chaise, puis mon dos commence à me le dire là, que ça fait du temps. 1000 personnes et 1000 opinions différentes. Oui, c'est ça, la subjectivité de l'intellect, de l'ego. Mais le réel va rester le réel, dans le sens qu'il existe en dehors de la perception et de l'interprétation subjective selon le mémorial expérimental individuel. Donc, le réel, c'est ce qui est en dehors de ça. Mais tout le monde l'interprète, vous savez, c'est comme une montagne, dépendamment d'où on est, on ne voit pas les mêmes versants de la montagne, donc, mais c'est la même montagne quand même, même si à l'ouest, il y a du brouillard, même si à l'est, c'est bon. Ah, je ne connais pas Michel Dorn. C'était pas une... Moi, ça me... Mais oui, ça me dit quelque chose, mais moi non plus. Tu es orgueilleux, Berthold. Je te percute avant que tu l'aies fait pour moi. C'est correct que tu laisses pour ce soir, merci. Muriel Roux. Ah, je ne me pas souvenir de me faire de m'être fait percuter. Le réel en dehors de la perception. Et quand tu sais, oui. Oui, parce que c'est pas pour rien que des fois, Il y a des choses comme Daniel Kemp. J'écoutais ce que Daniel Kemp disait, puis là, il dit quelque chose que ça, je le sais que c'est ça, c'est ça. Mais ça m'est arrivé au niveau de ma subjectivité de me dire peut-être que je l'ai perçu, puis je l'ai vu parce que lui, il avait descendu l'information, surtout quand il s'agit de quelque chose de totalement nouveau qui ne fait pas partie de la mémoire expérimentale collective. Là, à ce niveau-là, c'est pour ça que c'est difficile. Il y a certaines choses qui vont être canalisées par certaines personnes. Vous voyez que c'est réel, puis, mais il faut réécouter, le regarder plusieurs fois. Sinon, la mémoire, ça veut pas s'imprimer. Ça veut pas. Parce que ça fait pas passer. Il y a pas de. Il y a pas. Là, au niveau de l'impression dans l'âme, au niveau de. C'est pas suffisant. Il y a quelque chose au-delà. Du formel, puis c'est là qu'on la mémoire nous joue des tours, puis dis, voyons, qu'est-ce qu'il avait dit? Donc, merci à toi du temps que tu nous consacres, grâce à toi, on intègre certaines choses, et toi, en retour, j'espère que tu en retires une satisfaction. Ben, bon, mon frigidaire, ben, vous savez, c'est que je vais avoir la vibration d'avoir un mouvement, de parler. Puis à mesure que je parle, il y a certaines choses aussi que je vais voir plus clairement. Puis je peux pas m'attendre à ce qui va m'être dit. Puis il faut que je m'ajuste à chaque chose que je lis. Puis c'est en étant obligé comme ça d'exercer beaucoup mon déplacement, si je peux dire, dans la fréquence, puis dans l'information, ça vient chez moi renforcer certaines choses. C'est sûr que ça vient certainement densifier certains corps. Donc, je vais toujours en retirer quelque chose. Je suis né comme cela. C'est de faire la différence après tout le discernement. Moi, je suis là pour nous réunir dans une unité. Mais je veux pas encore, car je viens de la trace de Bernard. J'ai de la difficulté à comprendre ce que vous voulez dire. Mais, à un moment donné, tous ces phénomènes-là seront pas nécessairement qualifiés. Plus ça va devenir au large, plus ça va se manifester, parce qu'il n'est pas question ici d'une doctrine ou d'une philosophie instituée par Bernard. Il est question, Bernard, lui, il a parlé à un autre niveau de phénomènes qui existaient et qui se manifestaient de plus en plus. Donc, à mesure que ces phénomènes-là vont se manifester de plus en plus, fort probablement que nous n'emploierons même plus collectivement dans quelques générations le terme de supramental et que ça va de plus en plus faire partie de la normalité du vécu. Mais là, parce que c'est pas important les termes, au fond. Bon, vous êtes trop gentille, Marie-Jeanne. Des gens comme vous, c'est extrêmement rare. Ben, merci à vous, mais il faut que ça devienne de moins en moins rare. Il va falloir que ça devienne de moins en moins rare parce que c'est là au niveau de l'évolution, c'est-à-dire de faire éclater certaines vieilles formes désuètes pour engendrer le fait que certaines expériences, certaines formes d'expérimental devenues nuisibles ne se répètent pas parce qu'elles sont devenues inutiles. C'est-à-dire, il va falloir que l'être humain mettre en place lui-même, mettre en place ses propres capacités dans le sens de devenir créatif. Il va falloir que ça devienne de moins en moins rare. Et même là, moi, je considère que je sais peu de choses, là. C'est très peu de choses. Puis je le vois que par rapport à tout ça, j'ai pas de mérite à en retirer. Parce qu'au niveau de mon propre expérimental, j'ai encore énormément de difficultés, j'ai encore énormément de lacunes, je vois surtout, moi, mais ce que quelqu'un qui devient tranquillement, qui intègre, qui devient tranquillement évolutif, c'est de voir de plus en plus là où ça ne marche pas. Puis c'est ce qui ne fait pas notre affaire qui est important, le rendu là. Donc, mais pas au sens d'être négatif, pas au sens d'être pessimiste nécessairement. Aurais-tu la patience de nous redonner des combines pour transformer nos nuits en rêves lucides? Ben, vous savez, il y a pas, puis il y en a beaucoup là, qui ont fait des choses là-dessus, que c'est leur spécialité. Mais juste vous poser la question pendant le jour, à savoir, est-ce que vous rêvez? Juste ça, vous allez finir, si ça devient une habitude, par le faire pendant que vous rêvez. aussi prendre l'habitude dans le jour de regarder vos mains. Parce que une fois que vous allez être dans le monde onirique, il n'y aura pas une reconstitution parfaite de cette chose extrêmement complexe qui est une main. Puis à un moment donné, vous allez peut-être voir des défauts. Vous allez regarder vos mains, voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ce n'est pas un corps matériel que vous avez là. C'est une mémoire expérimentale du corps matériel et une reconstitution densifiée dans un champ énergétique où l'information peut se manifester. Donc, vous allez voir votre main peut-être différente. Il va vous manquer un doigt, vous allez en avoir un trop. Dès que vous remarquez quelque chose d'étrange, demandez-vous si ce n'est pas, si vous n'êtes pas en train de rêver. Puis ça va finir par devenir un réflexe, puis vous allez finir par en faire des rêves lucides. Juste parler de rêves lucides, ça aide beaucoup. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de monde comme vous. Mais il y en a, mais certains ont l'intelligence de se taire. René Guénon parlait de signification commune de symboles de différentes traditions, un peu comme vous avec l'étoile de David. Oui, ben c'est qu'au niveau de la rétention de l'information puis de la subjectivité de la forme, au niveau de certains plans, oui, certains plans, où il y a l'application de certains détournements, ce qu'on pourrait appeler le plan de l'intelligence de Lucifer. Il y a des archétypes, c'est-à-dire qu'il y a des lois qui vont se cacher sous différentes formes selon les peuples, selon leur expérience, selon leur mémoire. Puis c'est là qu'il y a une diffraction de l'information, si on peut dire. Donc, ça prend plein de formes. Puis... Mais René Guénon a fini en Égypte d'une bien drôle de façon. Dans le sens que je les trouve spirituels pas mal. Mais c'est un bon. C'est rare quelqu'un de l'intelligence comme ça. Au sens intellectuel. Je suis quand même impressionné par l'érudition de cet homme-là. Cela fait 10 jours que je me demande 10 fois par jour si je rêve, mais ça ne marche pas. Mais là, c'est un peu tôt, là. Salut les amis, est-ce que je suis en train de rêver? Non. Mais là, est-ce que c'est possible que dans le rêve, vous allez demander ça, puis les gens vont dire non, moi ça m'arrive. Donc, pour se rappeler de vos rêves, avant de se coucher, il faut dire 3 fois je veux être conscient. Oui, vous pouvez aller devant un miroir, puis en essayant de ne pas penser, vous fixer ici. Puis, vous essayez de vous programmer à vous endormir consciemment ou à vous souvenir de votre rêve. Là, ce que je vous ai donné là, c'est un truc que j'aurais peut-être pas dû donner, mais je vous le donne quand même. Vous pouvez vous magnétiser vous-même devant un miroir. Au pire, lisez Okorovitz. Okorovitz parle beaucoup de ces choses-là. Puis, plus vous allez être au niveau... une capacité magnétique que vous allez... Parce que c'est un corps magnétique dans le souvent là, qui va... En tout cas, là, j'en ai dit pas mal. Salut. Bon. Partage des exercices de systémie du cerveau, entre autres. Plus de concret, tu commences à trop magnétiser. Ben oui, mais là, des exercices concrets, je commence à être fatigué, là. Ben, à 1h30, je vous l'ai dit, je vais arrêter. Des exercices concrets, juste le fait de vous exercer dans votre corps matériel, à être plus habile, à vous habiter plus dans votre corps matériel comme l'adresse. Juste lancer des cartes dans un chapeau, ça peut aider à se centrer, à s'habiter plus. Daniel Ménard, lui, il faisait faire du tir à la carabine aux gens qu'il consultait des fois. Il leur faisait tirer avec une carabine. Puis juste, vous habitez plus. Puis bon, c'est déjà beaucoup. Là. Donc, l'intelligence de Star, c'est bien dit, moins. Mais d'un autre côté, ils vont évoluer. Le fait de parler avec des gens, ça engendre un dynamisme qui peut être un catalyseur. Donc, peut-être que dans 10 ans, je vais me taire. J'entre de 120 km de route après avoir vendu des marrons chauds et des succulents champignons. Ah oui, ah ben c'est chaud les marrons. Moi j'aime beaucoup la confiture de marrons. Ça j'avoue là que, mais ici elle est très chère. qui est très cher. Que peut-on dire sur la simplicité de l'intelligence? Ben, vous venez de le dire. La clarté. Ce qui est clair. Ça, c'est la simplicité de l'intelligence, la clarté. Puis un parallèle à faire avec le terme de lumière. Je suis pas labo, il y en a qui rentrent dans l'hypertechnique, ah, peut-être. Pour quelle raison on sent comme si on vient d'ailleurs? Parce que c'est le cas. C'est le cas, c'est parce qu'une identification aux pensées, au processus intellectuel souvent. Donc, c'est pour ça que c'était très résonnant quand le Christ, par exemple, disait « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'était très facile pour les masses d'être magnétisées à ce niveau-là, à l'idée d'un ailleurs originel. Venant du Créateur, cet ailleurs original-là, venait mettre en vibration certains corps. Ça faisait partie des processus du chemin pour qu'un jour l'esprit... Vous savez, là, je vous envoie un consolateur, puis ça passe par des colombes, des langues de feu qui descendent. Tous ces phénomènes-là sont liés à un ailleurs. Donc, ça met en vibration à cause de la mémoire collective, entre autres, mais il y a déjà une base, dans le sens que nous nous identifions à notre psychisme, encore beaucoup. Donc, il y a pléthore de vidéos pour développer les rêves, oui, c'est ce que je disais. Mais prenons garde, même les rêves lucides peuvent être des illusions mises en... C'est le problème, là, c'est qu'il y en a qui sont fascinés par ça. C'est là, c'est toujours un problème, la fascination. Il y a une mesmérisation. Souvent, ça peut... Il ne faut pas que les rêves lucides, la capacité de faire ce que vous voulez sur certains plans qui sont des reconstitutions environnementales, informationnelles, que ça ne devienne pas une compensation pour ce que vous ne pouvez pas faire dans votre vie. Il ne faut pas vouloir aller dans le monde des rêves par frustration d'avoir des restrictions dans le plan matériel. C'est là où... puis aussi, ces plans-là, il y a des... comme il dit ici, là, il y a toutes sortes de chats. Et demain, session d'une heure, faire corps avec le tout. L'arc, la corde, la flèche, la mire, la trajectoire. Oui, ben, comme vous savez, là, il y a certaines écoles bouddhistes au Japon là, qui ont fait de l'exercice avec... Le problème, c'est faut s'habiter, vous développer une habilité, mais là, pas nécessairement s'enfermer dans une assise technique. Je sais pas si... faut changer d'activité à un moment donné. Quand vous maîtrisez bien l'activité, vous pouvez aller vers autre chose. Donc, la mouche au milieu de la cible, tiens, je vais exercer la lentille pour taquiner ce double dans son mutisme. Oui, ben, c'est difficile. D'habitude, c'est le double là, qui va vous taquiner, puis ce ne sera pas par des paroles. Là. Donc, rêve lucide, c'est quoi? C'est quand vous savez que vous rêvez, vous êtes en train de rêver, puis vous le savez. Parce que vous savez, en rêve, on peut faire des choses qui n'ont aucun sens, voir des choses qui n'ont aucun sens, puis pourtant, pendant qu'on est dans le rêve, on ne se rend pas compte que ça n'a aucun sens. Alors que dans un rêve lucide, vous le savez que c'est un rêve. Parce que vous avez encore la capacité centrique de donner un sens. De voir que... Donc, j'arrête des lives avec vous, mais ça reste un plaisir de participer à vos lives et vidéos. Bon, ben, merci à vous. Ben, un rêve éveillé, j'aime pas le terme rêve éveillé parce que nous sommes, sommes-nous réellement réveillés même à l'état de veille? C'est là la question. Moi, je profite à fond de ma dernière vie. Je sage, je pète, je cueille, je lève, je cultive, je fais un. Je l'aime, il manque plus que la fusion pour me barrer de. Oh, ben ça. Vous savez, à un moment donné, quand il va avoir la fin de cette vie-là, puis qu'il va avoir une capitulation, peut-être qu'on le verra pas à Paris. Mais c'est toujours bien d'avoir des activités. À mes yeux, c'est plus important d'avoir des activités simples, la vie de tous les jours, que d'aller faire, il y en a dans le temps, là, c'était à la mode, là, ils allaient apprendre toutes sortes de choses. Comme la radiesthésie, des choses comme ça. Je pense que c'est aussi bien d'apprendre à jardiner, à même chasser à la limite, là, mais je n'ai jamais eu la vibration de chasser. Puis les fois où j'ai pêché, c'était en haute mer, dans les maritimes. Puis j'avais la mauvaise habitude de faire traîner ça trop dans le fond pour ramener toutes sortes de créatures étranges. Puis là, les gens qui étaient avec moi, ils disaient, voyons, pourquoi toi, tu as tout le temps des affaires bizarres au bout de ta ligne? Parce que je suis curieux. Moi, la chasse pour manger, c'est pas mon genre. Dans le sens que je vais toujours avoir une sorte de curiosité, entre guillemets, scientifique un peu, puis bon. Spontanément, comme un enfant, sans se donner toutes ces souffrances que l'on voit dans la compétition internationale. Oui. Ben, le problème, c'est qu'il y a la mémoire des peuples. C'est une forme de subjectivité. C'est-à-dire que si on est très, comme j'ai vu ça chez des Québécois très nationalistes, ils ont énormément de restrictions au niveau de leur perception par rapport à d'autres façons de voir. Parce que le nationalisme chez eux est une sorte de maladie de l'émotivité. Puis ça semble faire partie de leur âme, mais au sens d'une faille qui s'est cristallisée. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être nationaliste, là. Au contraire, mais il ne faut pas que ça devienne une maladie de l'émotivité qui devient des œillères restrictives. Comme dans ma famille, il y a un de mes cousins qui a eu des enfants avec une Asiatique, puis je vois ce qu'on pourrait appeler du racisme dans ma famille, puis c'est toujours les plus nationaleux, là. Alors que moi, je suis toujours content. Mais là, ce que j'étais pas content de cette Chinoise-là, c'est le fait qu'elle ait été adoptée bébé et qu'elle a grandi au Québec. Pourquoi? Parce que je pourrais pas partager de recettes ou de... Moi, j'aime beaucoup qu'on me ramène... En tout cas, je voulais une certaine richesse culturelle, mais non, c'est une Québécoise. Au niveau même de l'arbre. Donc, c'est sûr, moi, je trouve qu'elle n'était pas assez chinoise. De ce que j'en sais, elle n'est pas assez chinoise à mon goût. Donc, là, je ne peux pas dire que j'aime la Chine communiste. Au contraire, j'aime beaucoup les cultures des Chinois de Taïwan et de Singapour. Même si Singapour, c'est en Malaisie, mais il reste qu'il y a une culture là, chinoise très, très. Surtout les gens originaires du Guangdong, qui sont à mes yeux, les plus intéressants, ils sont de bonne humeur. Puis... Bon, c'est ta programmation de ramener des créatures qui sortent des grandes. Oui, ben oui. J'aime ça, dévoiler ce qui rampe au fond, là. Tu l'as mis au trempage, cette petite plante à fait. Ah, j'entends, il y a des gens qui arrivent. Donc, je vais vous laisser. Donc, au revoir.